Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On se retrouve pour la troisième semaine consécutive, puisqu'il y a eu. Enfin, pour la deuxième semaine consécutive, pardon, puisque ce sera la troisième la semaine prochaine, vu qu'on est au milieu d'un triplé de courses qui nous a fait atteindre le tiers de la saison 2025 de Formule 1. On va évidemment débriefer le Grand Prix de Monaco qui a eu lieu ce dimanche. Alors on se retrouve mercredi, hein, vous avez remarqué, on n'est pas lundi. On avait quelques petites indisponibilités au fur et à mesure de la semaine, mais on a pu trouver un moment quand même parce qu'on voulait le débriefer avec vous. On est trois pour le débriefer, comme d'habitude. Il y a Franck avec moi, ça va Franck ? Bonsoir tout le monde. Bah, écoutez, oui, un Grand Prix de Monaco qui s'annonçait très indécis. Au final, pas tant que ça. La fameuse stratégie à deux arrivages, je crois que tout le monde attend ça sur le chat. On en parlera, pas tout de suite, on va attendre l'équipe qui a fait un petit peu capoter l'histoire, on va dire, Racing Bulls. Mais vous inquiétez pas, on va l'aborder en long, en large et en travers. Exactement, parce que c'est vrai que c'était le gros sujet, à savoir si ça allait donner du spectacle ou pas. Et ça a donné un peu de spectacle, mais pas forcément celui qu'on attendait. On en reparlera un petit peu plus tard. Et donc il y a Alex avec nous aussi pour en parler. Ça va Alex, tu as passé un bon week-end de Monaco? Ça va, bah, un bon samedi en tout cas, comme souvent Monaco, et puis je vais rassurer Lambo Diablo, il n'y aura pas deux arrêts obligatoires dans cette émission. non, effectivement, nous... Faudrait y penser quand même des fois. Nous, on fait comme Mika Salo en 97 à Monaco, on fait des courses sans arrêt, donc comme ça au moins ça permet d'aller au bout facilement. Après si on faisait des émissions de 3 heures, on pourrait vous faire un entracte et tout ça, mais bon c'est un peu, on n'en est pas encore là. C'est vrai que Alex jongle très bien. Ah oui. Réciter des poèmes. Mais seulement avec une balle. Pourrait faire des sketchs de stand-up et tout, serait pas mal. On y réfléchira, mais là pour l'instant avec 24 Grands Prix par an, vous vous doutez bien qu'on va quand même se concentrer sur la Formule 1. Et donc ce Grand Prix de Monaco qui a été remporté par Lando Norris, qui a fait son troisième hat-trick en carrière. Pole, victoire et meilleur tour en course qu'il a eu dans le dernier tour, devant donc Charles Leclerc et Oscar Piastri. Alors évidemment, bah on va commencer par les McLaren puisque c'est les gagnants du week-end, avec effectivement cette domination de Lando Norris qui a un petit peu rappelé que quand tout s'aligne et que tout va bien pour lui en termes de feeling avec la voiture, il est capable de faire un week-end sans faute et sans faille, on va dire, contrairement à son équipier, on y reviendra un petit peu après. Toi Franck, qu'est-ce que tu as à dire sur ce week-end de Norris? Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi bon? Est-ce que tu as pensé qu'il avait craqué notamment sur une course qui était quand même un petit peu compliquée à gérer? Ou est-ce que tu, dès le début du week-end, tu l'as vu rapidement dans le rythme? Alors dès le début du week-end, on voyait plutôt Leclerc et sa Ferrari dans le rythme quand même, parce qu'il y a quand même trois essais libres dominés par Ferrari. Mais oui, après s'il y a bien un circuit de pilotage sur lequel il faut confirmer qu'on est toujours bien au rendez-vous et que notre talent n'a pas disparu, c'est bien Monaco. Et Lando Norris a quand même fait le seul et l'unique tour sous la minute 10 de l'histoire de ce tracé. Donc c'est quand même à souligner. Bon, sur des barrières un peu symboliques, hein, évidemment, c'est l'humain aime les chiffres ronds et les belles statistiques. Donc bravo à lui pour ça, parce que c'est pas un circuit facile. On sait qu'en plus, Oscar Piastri était quand même plutôt à l'aise, on l'a vu l'an dernier, chatouiller la pole à Leclerc sans y parvenir, mais on le voyait peut-être effectivement plus en forme que ça. Et moi d'ailleurs, je l'avais pronostiqué un peu plus en forme que Norris par rapport à l'an dernier et par rapport à sa forme de cette année. Mais force est de constater effectivement que Norris semble avoir peut-être un peu plus verrouillé, peut-être du côté émotionnel, il en a parlé d'ailleurs, il s'est un petit peu éloigné des réseaux sociaux et tout ça. Il était un peu moins exubérant, voilà, après sa pole. Voilà, c'était un peu le sentiment du devoir accompli, et comme Alex l'a très très bien souligné, toujours la magie du samedi à Monaco qui pour moi mérite, on n'arrêtera pas d'en parler, d'avoir vraiment une classification à part et même des points distribués, parce que l'exercice de la qualification est vraiment toujours magique dans les rues de la principauté. Et je pense qu'effectivement Norris a, voilà, il a verrouillé sa victoire avec la pole position, même si au départ Leclerc a quand même pris un très très bon envol et aurait pu effectivement mettre tout ça un petit peu à plat pour McLaren. Ça s'est pas passé et après la course a été maîtrisée. Et la stratégie à deux arrêts n'a pas du tout perturbé le tout début de la tête de la grille, donc on n'en parlera pas pour l'instant. Et voilà, et puis il a tenu bon, et malgré la pression ensuite qu'il y a eu derrière lui, et il a fait vraiment un week-end, voilà, en disant je suis pas du tout finito, comme on dit, je suis encore bien là en lice, et du coup ça nous fait un très joli rapprochement en championnat, puisque Norris reprend pas mal de points à Piastri aussi, et que McLaren se refuse encore une fois à désigner un numéro 1. D'ailleurs, Zach Brown, ça me permet du coup de le caser à ce moment-là. Zach Brown a refusé effectivement de désigner un numéro 1 pour cette saison, quitte à perdre le titre pilote, C'est quand même assez dingue de le dire comme ça, puisque si ça se trouve, à partir de l'année prochaine, ils ne retrouveront peut-être pas cette possibilité-là. Mais c'est très très sportif de leur part, à voir si effectivement ça tient sur toute la saison, et s'il n'y a pas un gap qui va se créer à un moment ou à un autre. Mais voilà, bah, bravo à Norris pour ça, et puis bah, c'est parfait, ça nous relance le suspense au championnat. Voilà, je vais pas... C'est le meilleur endroit pour Norris hein, de faire ce genre de performance. Savoir qu'à Monaco, tout se joue en Q3 et tout est une question de confiance. Et ça tombe bien puisque Norris avait deux problèmes, la Q3 et la confiance, depuis les précédents Grands Prix. Donc s'il y avait un Grand Prix où on pouvait le voir en difficulté, voire dans le mur, c'était celui-là. Et bien tout au contraire, alors qu'on attendait peut-être le pire de lui, où, et ben, il a donné son meilleur. Donc ça, c'est vraiment peut-être... Ah bah, un grand prix, un tournant hein, dans cette saison. Il y en a eu d'autres, hein, des tournants. Il y en avait déjà eu la première avec Carlos Piastri qui était sûrement un tournant. La deuxième aussi. Bah là, c'était peut-être un tournant pour Norris. Et évidemment, la F1, ça va vite hein, parce que tout le monde l'enterrait déjà il y a quelques courses. Là, il revient à 3 points seulement. Donc, autant dire l'épaisseur du trait. Voilà, c'est passionnant pour la saison. C'est vraiment bien pour Norris. Alors, évidemment, ça reste à confirmer. Il ne faut pas oublier qu'en règle de course, le dernier grand prix était devant Piastri. Pas énormément, mais devant. Là, il finit presque de dixième devant Piastri. C'était plutôt Piastri qui était en délicatesse avec la monoplace. On sait aussi que l'équilibre des monoplaces, hein, Norris est en difficulté avec l'équilibre de la McLaren. Ça tombe bien parce que dimanche, on en parlera aussi, mais gros changement de règlement sur les ailerons, notamment les ailerons à l'avant. Donc, l'équilibre des monoplaces va un peu changer. Donc, voilà. Alors, il y aura forcément, hein, ils sont à peu près d'un niveau égal, il y aura forcément des courses qui vont aller dans un sens ou dans un autre, mais Norris, voilà, il faut rappeler que l'an dernier, il a battu 21-3 Piastri en qualif, qui le domine assez largement. Là, évidemment, Piastri progresse sa troisième saison. Donc, je ne dis pas que Norris est redevenu favori, je dis qu'en tout cas, qu'il n'y a peut-être pas de favori chez McLaren, et tant mieux pour nous. Ouais, ça c'est certain. C'est vrai qu'on a vu un Piastri fébrile avec une erreur en EL2, il avait tapé le rail, alors bien joué à lui parce qu'il a failli taper le rail de travers, il a réussi à remettre la voiture droit pour vraiment taper pile avec l'aileron et éviter de casser bah, tout l'ensemble de suspension roue. Mais effectivement c'est voilà, un Piastri un peu fébrile avec quelques erreurs, des erreurs en Q3, en Q2, avec pas des tours parfaits. Là où on a vu effectivement un Norris beaucoup plus propre, alors comme il dit Warius Zero, Norris a déjà montré ça et il faut maintenant qu'il arrive à enchaîner plusieurs grands prix comme ça. Maintenant, moi, il n'y a pas de raison que ce soit. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas capable. L'an dernier, encore une fois, il y a un paquet de Q3 où il fait des choses parfaites. Et peut-être que justement, gagner en confiance avec cette voiture, ça va l'aider aussi à enchaîner des qualifs plutôt bonnes. Mais voilà, effectivement, Piastri est un petit peu fébrile. Première fois qu'on le voit fébrile, hein, presque, parce que justement, on vante tout le temps ses mérites de mentalement. Comme étant un pilote parfait et un pilote très solide, et là on l'a vu un petit peu voilà, un peu perdu, même si il a su parfaitement gérer la course, mais c'était un petit peu plus délicat, on va dire. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a une alerte, ou est-ce que c'est plutôt voilà, contextuel au circuit? Moi je pense que c'est justement l'erreur dont tu as parlé en libre 2 qui l'a peut-être mis un petit peu sur le voilà, sur le frein, on va dire, sur le reste du week-end. Peut-être qu'effectivement il s'est dit que voilà, il joue comme le championnat, hein, il en est conscient, hein, voilà, donc et peut-être que sur un circuit comme Monaco, où effectivement il faut prendre peut-être un peu plus de risques qu'ailleurs, et on sait que les risques à Monaco, ben, en général, où ça passe, où ça casse, peut-être qu'il s'est de lui-même mis un peu psychologiquement sur la réserve. Il a pas spécifiquement donné de raison, mais voilà, à part le fait que ce Grand Prix lui a un petit peu échappé, hein, c'est un petit peu l'explication qu'il a donnée. Après, ça reste quand même un très très bon résultat derrière. Ça fait une troisième place, certes c'est pas un doublé pour McLaren en principauté, mais ça reste comme une limitation des dégâts. Il vaut mieux ça que de finir dans le rail ou ne pas finir du tout, hein, c'est clair. Donc, bon, après j'ai pas plus d'explications à donner que ça, hein. Ça reste quand même Monaco, une épreuve très spécifique. Il s'en est quand même très bien sorti, même s'il n'a pas gagné ou il n'a pas fini deuxième. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que du coup, on s'est retrouvé avec un podium finalement qui était à l'inverse de l'an dernier avec McLaren, Ferrari, McLaren. L'an dernier, c'est Ferrari, McLaren, Ferrari. Donc voilà, c'est un petit peu le ouais, on va dire c'était un petit peu la différence. Mais malgré tout, on a eu un Charles Leclerc. On va directement passer à Ferrari parce que c'est vrai que McLaren, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On va passer à Ferrari avec un Charles Leclerc qui était très déçu de sa deuxième place en qualif et assez déçu de sa deuxième place en course. même s'il était conscient que ça s'était joué la veille en Q3 justement, parce que alors déjà on a eu une Q3 de haute volée, hein, faut le rappeler quand même qu'il y a eu des améliorations. Les pilotes McLaren ont fait 3 tours, ils sont repartis assez longtemps à la fin avec les mêmes pneus, ils ont enchaîné 2 tours rapides et on a eu 4 améliorations consécutives de Norris, Leclerc Norris. C'est ça qui a ajouté la déception en plus du fait que, comme Franck l'a dit, il a remporté les 3 essais libres. Et en plus, quand il a signé le premier meilleur temps, juste avant le dernier tour des deux McLaren, on pensait vraiment que c'était verrouillé, que McLaren n'allait pas pouvoir améliorer sur sa dernière tentative. Et c'est vraiment ça qui a rajouté la déception. Et c'est ça aussi qui a fait que c'était une super qualif à suivre en fin de suspense. Mais effectivement, pour Leclerc chez lui, à Monaco, c'était une franche déception. Mais ça reste quand même son meilleur résultat de la saison. Enfin, son co-meilleur résultat de la saison pour Ferrari. Et ensuite, en course, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, ça c'est clair. Surtout qu'Hamilton s'était pris une pénalité qui a privé Ferrari de multiples options stratégiques et qui interroge encore, hein, sur la communication entre Hamilton et son ingénieur. Ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué pour Hamilton, effectivement, ce week-end, notamment parce qu'il y a eu cette pénalité. Donc, on rappelle, il a Max Verstappen derrière lui en tour rapide et son ingénieur lui dit il a ralenti. Et en fait, donc il pense que Verstappen a ralenti derrière lui, il reste sur sa trajectoire. Et en fait, Verstappen arrive sur un tour rapide et il le gêne. Donc, et après, il engueule un peu son ingénieur à la radio en lui disant « Mais tu m'as dit qu'il était en train de ralentir. » Donc là aussi, c'est vrai qu'on voit week-end après week-end des couacs du côté de la communication entre Hamilton et son ingénieur. Toi, Franck, est-ce que tu... Alors déjà, si t'as un truc sur Leclerc aussi à dire, évidemment. Oui, bah, évidemment, quoi. Voilà. Mais aussi, après, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un problème de communication entre Ricardo Adami et Lewis Hamilton? Alors Leclerc d'abord, effectivement, déjà personne n'attendait Ferrari à ce niveau-là ce week-end. Maintenant, Monaco, ça reste tellement unique. Et il l'avait dit d'ailleurs Leclerc le jeudi, c'est que sur ce circuit, tu n'as pas besoin de compromis dans tes réglages. C'est-à-dire que tu te focuses à fond sur l'adhérence à basse vitesse. Et peut-être qu'en réglant justement la Ferrari pour ses basses vitesses, ils ont réussi un petit peu à surmonter ce qui était quand même le principal handicap de la SF25 sur ce genre de tracé. Après, il y a aussi l'aspect pilotage, hein, qui prend toujours un petit peu plus de pourcentage sur la performance à Monaco. C'est vraiment un peu plus le pilote qui fait la différence, même si c'est pas totalement ça, parce que si c'était totalement le pilote, on verrait des équipes de milieu de peloton vraiment devant les top teams, et ça n'était pas le cas. Hein. À Monaco, on a quand même eu les top teams plutôt devant. En tout cas, en ce qui concerne McLaren, Ferrari et Red Bull. Enfin, McLaren, Ferrari et Verstappen, pardon. on y reviendra. Voilà, Mercedes s'est un petit peu planté, même beaucoup planté. Donc voilà, bah, chapeau du coup à Charles Leclerc pour ça. Et même Lewis Hamilton, jusqu'aux essais libres aussi, il était quand même plutôt dans le coup. Il semblait vraiment un petit peu, voilà, remis en ras sur les rails. Très joli que nous à Monaco. mais oui, effectivement, bah, cette pénalité qui gâche un petit peu beaucoup de choses. Effectivement, au lieu de partir de la 4e place, il part 7e. Et oui, on sent effectivement quand même aussi la communication n'est vraiment pas tout à fait claire entre eux, puisque quand il reçoit le message « This is our race », Hamilton comprend que pour lui, il est en lice pour la victoire. Oui. C'est pas vraiment le genre de message qu'il a entendu. Alors qu'en fait, ce qu'a voulu dire Adami, c'est que en gros, il n'y avait pas de raison de temporiser ou de jouer quoi que ce soit en termes de jeu d'équipe avec Leclerc, puisque en fait, c'était un petit peu ce qui était attendu dans toutes les équipes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un équipier qui va devoir être favorisé par rapport à l'autre, par rapport aux deux arrêts au stand? Et au final, ça ne fut pas le cas pour les équipes du début de tableau. Donc du coup, sa carte à lui, en fait, était libre, donc il pouvait la jouer totalement. Ça ne voulait pas dire qu'il pouvait la gagner. Et il y a eu effectivement un petit quiproquo là-dessus. Et sur la fin de course, effectivement, Hamilton a salué son équipe, a salué aussi ses mécaniciens qui ont aussi réparé sa voiture, parce qu'il a quand même fait aussi un petit crash. Ouais. Et du coup, Adami n'a pas répondu à ça. Et Hamilton lui a dit, mais enfin, tu es en colère contre moi, ou enfin, tu es énervé contre moi. Et il n'y a pas eu de réponse. Donc effectivement, aux yeux du public, ça passe assez mal. Il y a déjà, évidemment, côté transalpin, très très nombreux médias qui demandent à ce que Adami soit, soit changé, puisqu'on a dit très bien que quand ça s'est très bien passé, très, très mal passé entre Leclerc et Xavi Marcos, il y a eu un changement. Donc certains demandent effectivement est-ce que Vasseur change aussi l'ingénieur de course d'Hamilton. Alors je pense pas qu'on soit encore là à l'instant actuel. Il y a eu, je vais pas dire que 8 courses, parce que 8 courses c'est quand même beaucoup, hein. C'est, il y a quelques temps, ça aurait fait déjà une moitié de championnat. Mais oui, c'est vrai qu'il y a encore une phase d'intégration et d'adaptation, puisqu'on est quand même sur 8 courses, mais sur un calendrier très resserré de 2 mois et demi, 3 mois de courses seulement. Oui. Et c'est pas évident de construire une relation. Donc, de là à dire que Adami n'est pas la personne adaptée à Hamilton, ou que Hamilton s'est pas adapté à Adami, apparaître dans le secret des dieux et au sein de la Scuderia, très difficile à dire. Maintenant, c'est clair que ce genre de couac de communication, il est quand même exacerbé par Hamilton lui-même aussi, donc attention, parce que sur le plan politique, Hamilton sait aussi très bien que chez Ferrari, tout est exacerbé en termes de médias, ouais, et que ce genre de petites phrases, ça a déporté aussi. Donc voilà, juste faire attention à ça, quoi. Si c'est involontaire, il faudra mieux qu'il s'excuse assez rapidement. Si c'est fait pour appuyer là où ça fait mal, effectivement, on peut imaginer que le sort d'Adami pourrait être réglé dans les prochaines courses. Surtout que c'est un animal politique, hein, Hamilton. Donc oui, il sait très bien ce qu'il fait. Après, il y a des fois, il a quelques déclarations sur le coup de l'émotion. Il a dit lui-même que des fois, il est pas forcément, il réfléchit pas aux conséquences ou aux implications. Mais on sait aussi que quand il veut communiquer, il sait très très bien le faire. Maintenant, c'est vrai que moi, du coup, ça met en perspective aussi ce qu'on disait sur Ricardo Adami à l'époque où il était avec Sainz. On trouvait Sainz un peu agressif avec lui. Oui. Et au final, j'ai l'impression que c'est le meilleur moyen de se faire pour le pilote, de se faire comprendre et entendre. Et peut-être que Hamilton, il va encore trop. C'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. Hamilton commençait à prendre de l'épaisseur politique, on va dire, et l'épaisseur stratégique chez Ferrari. Et est-ce qu'il n'en a pas encore besoin d'un peu plus pour justement réussir à, je ne vais pas dire outrepasser, mais en tout cas imposer sa vision en interne? Parce que clairement. Il a fait lors des sprints. Il a fait quand même. Hein, lors des derniers sprints, où c'est lui qui est rentré sous la pluie. Hein, Miami pour changer des pneus, et c'était vraiment le meilleur pari du monde. Donc je pense quand même qu'il s'impose pas mal au sein de la Scuderia. Hein. On parle d'un pilote qui est arrivé qui a quelques courses dans l'équipe la plus prestigieuse, etc. de l'histoire. Donc moi je trouve qu'il a déjà pas mal secoué la Scuderia par rapport à Leclerc qui a toujours tendance à être un petit peu timide. Mais Leclerc a été façonné par la Scuderia aussi, c'est un peu la différence. Oui, c'est vrai. Je pense que Leclerc, il est directement dans ce moule-là et il a du mal à en sortir, prendre le recul qu'il faut et secouer un peu. Ce que Sainz avait mieux réussi à faire en arrivant, notamment, des fois on trouvait que Sainz prenait de la place, mais en fait c'est que Sainz avait cette vision extérieure et maintenant on comprend mieux et je trouve qu'on le met mieux en perspective par rapport à ce que fait Hamilton. Mais c'est vrai que moi je suis un peu sceptique sur cette vision des choses chez Ferrari. Et on en vient un petit peu à la troisième, enfin la dernière rumeur que je voulais aborder, c'est justement oui, le sort de Vasseur. Parce que, alors, en théorie, il n'y a pas péril dans la demeure. Ferrari est quand même une des équipes top team. Il y a des podiums, ça revient. Il y a eu des victoires l'an dernier, un titre de vice-champion des constructeurs. Le bilan de Vasseur, pour l'instant, n'est pas mauvais. Il a recruté Hamilton. Ils ont signé un contrat monstre avec un sponsor titre. Globalement, l'image de la Scuderia est très bonne. Maintenant, on sait que Ferrari, c'est une exigence particulière, c'est un contexte particulier et c'est des besoins particuliers par rapport aux médias et à la politique italienne du sport et de l'automobile. Et justement, c'est là que ça coince, parce qu'il y a quand même des rumeurs comme quoi Ferrari aurait voulu recruter Christian Horner il y a quelques semaines. Ouais. Donc, ce qui est quand même... Alors, que ce soit vrai ou non, alors je reviendrai après sur la partie Horner, mais que ce soit vrai ou non, c'est quand même rarement, il y a rarement de la fumée sans feu dans ce genre de choses. C'est le build, hein, quand même, qui sort ça, c'est quand même c'est ça. C'est pas certains sites complètement foireux, c'est vraiment un gros nom du journalisme automobile et sport auto. Et on peut penser qu'il y a vraiment, en tout cas, si c'est pas très avancé, il y a quand même déjà une volonté de réflexion de Ferrari de d'écarter Vasseur, en fait, tout simplement. Donc après, je sais pas si. Ouais, vas-y. Ouais, après, est-ce que c'est. Il y a peut-être, comme tu dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense que s'enquérir de la disponibilité d'un team principal au cas où, voilà, la pression viendrait à monter de manière exagérée sur Vasseur, je pense que c'est aussi, voilà, quand tout bon directeur de n'importe quelle entreprise sait aussi anticiper des éventuels problèmes. Donc peut-être que c'est une carte qu'il essaye que John Elkann souhaite avoir dans sa manche, parce que c'est plutôt John Elkann que Benedetto Vigna, pardon, qui gère vraiment la Ferrari, hein, soyons clairs. Et voilà, je veux pas y voir pour l'instant, en tout cas, plus de choses que ça, si ce n'est peut-être de mettre via le public ou via cette information qui a été délivrée par je ne sais qui, hein, parce qu'il y a que le build qui le rapporte, hein, franchement, on a creusé avant d'en parler, enfin, j'ai beaucoup fouillé et tout, il y a vraiment que le build qui en a parlé, même en Italie ça n'a pas été rapporté, la Gazzetta, le Corriere, voilà, qui sont quand même très proches de la Scuderia, n'en ont pas parlé. Voilà, est-ce que c'est un moyen de commencer à mettre subtilement la pression sur Vasseur en interne? C'est pas impossible, parce qu'on sait aussi que Ferrari, ça marche aussi beaucoup comme ça. En tout cas, ça marchait beaucoup comme ça. Et ça marchait aussi comme ça quand ça commençait à foirer un peu pour Binotto. Mmh. Donc, j'espère que ce n'est que ce genre de petite pique, entre guillemets, voilà. Mais c'est jamais très sain non plus, hein, soyons clairs. Non. Et remplacer Vasseur, c'est aussi s'assurer qu'Hamilton se partirait. Parce que ouais, je pense que si Hamilton est venu chez Ferrari. Enfin, si Hamilton est arrivé chez Ferrari. Il est clair. Et oui. Leclerc aussi, effectivement. Oui. Alors qu'il y a beaucoup de consultants, style Steiner, qui disent à Leclerc, c'est bon, tu as assez souffert maintenant, essaie de trouver un autre défi, parce qu'on voit bien qu'avec Ferrari, ça marche pas, quoi. Donc, après, le coup près pour Vasseur, ça sera plutôt 2026. Ouais. Oui, là, ça c'est clair. Là, il aura moins d'excuses, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que, comme le dit Contex Dani, est-ce qu'on va laisser Vasseur bosser? Todd a mis 5 ans pour relever Ferrari. Alors, on redit ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que le contexte dans lequel est arrivé Todd n'est pas le même non plus que celui dans lequel est arrivé Vasseur. Vasseur est arrivé dans une équipe qui savait déjà faire des podiums, des bons résultats. Il faut oublier que Todd, il récupère une Scuderia qui est en ruine absolue en 93, avec un département moteur qui ne sait plus faire un moteur fiable, une équipe totalement déboussolée, etc. Donc, malheureusement, ce n'est pas le même contexte, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu plus de tension auprès de Vasseur. Hector Owens dit, salut d'ailleurs, son premier message dans le chat dit, ça ressemble à la situation d'Abit Bull lorsqu'il a embauché Ricardo. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce genre de choses. Après, la pression n'est pas la même parce qu'Abit Bull, il y avait le côté où Renault dépensait de l'argent que la PDG voulait pas dépenser, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le souci de voir ce que va faire Vasseur en 2026, parce que si Ferrari à ce moment-là fonctionne pas, là on peut penser qu'il y aura volonté de la part de Ferrari de dire on a raté ce règlement, il faut que quelqu'un saute, et malheureusement ce sera le premier à sauter. Alors Doko dit Todd est arrivé en 93, et en 97 ça se battait déjà pour le titre, mais c'était 4 ans plus tard. Là Vasseur, c'est sa troisième saison, ça fait que 2 ans qu'il est là, donc il faut quand même lui laisser un peu de temps, ça c'est sûr. Mais effectivement, on voit que chez Ferrari, c'est quand même. En tout cas, il y a vraiment. Ça ne respire pas du tout la sérénité qu'il y avait la fin de l'année dernière. Ça fait penser à ce que tu disais, Franck. Après, je te laisse la parole. Mais la semaine dernière, tu disais, on a une Scuderia qui est très différente de ce qu'elle était fin 2024. Pourtant, c'était il y a moins de 8 mois. Hein, mais vraiment, on a une équipe qui est plus solide sur ses appuis et qui est moins bonne sportivement. Mais du coup, ça, je trouve que ça a un impact. Parce que on voit des équipes qui traversent des phases difficiles. Mais j'ai rarement vu une phase difficile si courte avoir un impact si énorme sur le fonctionnement d'une équipe et son directeur, en fait, tout simplement. C'est exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est que la fin 2024 a donné tellement d'espoir, en fait, à tout le monde, et tellement de personnes s'attendaient à ce que le 2025 soit un petit peu une réplique de la fin 2024, que le fait de voir la Scuderia aussi loin de McLaren, ça a vraiment énormément déçu. Après, il y a aussi une énorme attente du côté de Hamilton, de son arrivée. Une énorme attente du côté de Leclerc aussi, qui s'attendait peut-être aussi à jouer plus régulièrement, enfin en tout cas régulièrement les victoires cette année. Et cette douche froide qui est un petit peu arrivée commence aussi à se répercuter. Alors, elle était sur les fans, et maintenant ça commence à atteindre un petit peu plus les médias. Les médias qui ont laissé un petit peu tranquille Ferrari sur les premières courses. Oui. Non, ça commence un petit peu à arriver là-dedans. Donc c'est vrai que à l'époque de Todd, ça, il n'y avait pas la pression des réseaux sociaux et tout ça, et ça allait directement dans la presse. Donc il y avait un léger décalage. Aujourd'hui, la pression, elle vient directement des fans, des gens qui sont dans le chat, des gens qui sont sur X, sur Blue Sky, voilà, qui dès qu'il y a un truc un petit peu raté, ça crie au scandale, ou ça crie à la démission, ou ça crie au licenciement, enfin à tout ça. Là. Effectivement, il y a eu 8 courses où tout le monde était un petit peu déçu. Enfin, tout le monde est un petit peu déçu de ce que fait la Ferrari. Et moi le premier, qui suis un grand fan de la Scuderia. Mais voilà, les réseaux sociaux qui sont le barrage numéro 1 qui saute, fait que maintenant, le fleuve est en train d'arriver sur les médias. Et du coup, c'est maintenant les médias qui ont un petit peu de mal à protéger Vasseur. Et bon, j'ai envie un petit peu quand même de rebondir là, parce qu'on a parlé un petit peu de Barcelone dans le chat, et j'ai dit qu'on en parlera à la fin du live, mais il y a quand même ce grand espoir de Vasseur, et il a l'air de le confier assez régulièrement, que la réglementation de Barcelone devrait quand même peut-être remettre un petit peu plus les choses d'aplomb. Et même Toto Wolff a l'air de dire, si vous avez lu les informations d'aujourd'hui, que Ferrari est quand même l'équipe qui a beaucoup moins misé sur les ailerons flexibles que McLaren, que même Red Bull qui s'y est mis aussi un petit peu, que Mercedes, et que du coup, Vasseur attend beaucoup de ce rééquilibrage. À voir à Barcelone maintenant si ça sera le cas ou pas. Si c'est le cas, bah, tant mieux. C'est qu'effectivement, bah, Vasseur qui s'attendait à ce que les ailerons flexibles à l'avant soient interdits dès l'hiver et pas prolongés encore de 8 ou 9 courses de plus. Donc, parce que lui aussi, il est dans la gestion des ressources, hein, comme tout le monde. Hein, c'est voilà, sur quoi on dépense son argent pour le développement. Si effectivement il y a ce rééquilibrage-là, ben, bravo, on pourra dire qu'il savait où il allait. S'il n'y a pas de rééquilibrage après Barcelone, je suis désolé, ça ne sera pas une excuse, quoi. Non, c'est ça. Alors c'est vrai que je vois quand Exani dit ils ne comprennent pas la voiture, ils ont changé 99% de la voiture. Ça c'est beaucoup des déclarations, mais en fait même les équipes qui ont fait des évolutions de la voiture en ont changé 99% parce que tout change malgré tout à partir du moment où tu refais une nouvelle voiture. Enfin en tout cas tu changes parce que s'ils font pas ça, ils sont complètement largués. Par contre, il y a quelques équipes quand même qui ont gardé des châssis, je crois. Williams ou Alpine, non? Alpine a gardé son châssis, ouais, mais je crois que c'est les seuls, hein, si je dis pas de bêtises. Et encore, ça fait quand même beaucoup de trucs qui changent sur la voiture. Doko demande donc la fameuse question qu'on a abordée quelques fois déjà, mais Ferrari aurait dû gagner le titre constructeur l'an passé, pourquoi a-t-il changé de suspension et de je ne sais quoi d'autre à un an de toute nouvelle réglementation? Alors on pense justement, nous en tout cas c'est la théorie qu'on a ici, c'est qu'ils ont voulu tester cette nouvelle suspension qui a des avantages en termes de géométrie et des avantages en termes d'aéro à un an de la nouvelle réglementation, et on peut penser que leur prochaine voiture aura des suspensions attirantes. Si c'est pas le cas, là, c'est vraiment totalement fou. Mais le problème, c'est justement que, en faisant ça, ils se sont compliqué la tâche pour une saison qui est censée être une saison de transition. On se rappelle que McLaren avait fait exactement la même chose en 2013 et avait eu du mal à se relever de ça parce que justement, ils s'étaient perdus dans des histoires de développement d'une voiture qui n'avait pas eu besoin d'être changée. Donc c'est un petit peu compliqué de savoir pourquoi Ferrari l'a fait, mais ça paraît logique que ce soit en prévision de 2026. Maintenant, du coup, le problème, c'est qu'effectivement, ça peut avoir cet avantage-là pour 2026, mais ça fait que la saison 2025 est compliquée, et dans un milieu qui est malgré tout court-termiste comme la Formule 1, mais sûrement beaucoup trop, parce qu'on laisse jamais de temps aux directeurs, on laisse jamais de temps aux pilotes, et on se rend compte que des fois, c'est des erreurs, parce qu'il y a des... Enfin, quand on voit, par exemple, chez McLaren, même s'il y a eu plusieurs team principals, c'est Zak Brown qui a repris la main en 2016, il lui a fallu quasiment 10 ans pour relever l'équipe. Et plusieurs organigrammes, plusieurs façons de monter l'équipe, plusieurs personnes à la tête et tout ça, et des gens qui n'étaient pas mauvais, mais qui ont été bons sur un certain moment du projet. Et je pense que il y a évidemment Alpine aussi, et je pense que chez Ferrari, c'est un peu le souci actuellement, c'est que là, on sait plus trop qui mettre à la tête. Et alors, j'en viens à la dernière chose que je voulais aborder. Pour moi, mettre Horner chez Ferrari, c'est la pire idée possible. C'est-à-dire qu'on se rappelle que c'est quelqu'un. Alors déjà, au-delà de l'image publique qu'il a, des affaires de mœurs sur le dos qui sont factuelles. En tout cas, il y a des plaintes et tout ça. Il faut se rendre compte que c'est quand même quelqu'un qui est aussi pris dans une espèce de guerre de politique et de guerre de pouvoir face à Helmut Marko pour essayer d'être le seul maître à bord chez Red Bull. Est-ce que vous imaginez ça un instant chez Ferrari? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Donc, pour moi, c'est le pire casting possible si on doit remplacer Vasseur. C'est-à-dire que c'est pour moi, on prend Vasseur et c'est l'autre côté du spectre de ce qu'est un directeur d'équipe. Et je vois pas comment ça fonctionnerait. Donc c'est pour ça que cette rumeur, j'ai un peu des doutes. Mais après, je suis totalement d'accord. Ouais. Mais voilà, ou alors c'est Horner pour sauver. Il y avait des rumeurs de licenciement, hein, de Horner après Imola qui finalement n'était pas fondé. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi, mais voilà. Donc après, est-ce qu'effectivement c'est aussi des rumeurs là qui viennent pour essayer que lui renforce sa place chez Red Bull? Mais bon, c'est un petit peu. Horner, c'est vraiment le type à pas vouloir quelqu'un de trop au-dessus de lui pour lui dicter comment gérer une équipe. Et on sait bien que chez Ferrari, ça marche pas comme ça. Vasseur, même s'il est assez autonome, on sait très bien qu'il a beaucoup de comptes à rendre derrière, au-dessus de lui, quoi. C'est ça. Et je vois pas Horner fonctionner dans un système comme ça, en tout cas. Non. Parce qu'il a pas du tout eu l'habitude, avant même, voilà, parce que c'est une équipe qui gérait avant en F3000, Ardennes, voilà, et ensuite chez Red Bull, il a vraiment été en totale autonomie quasiment. Bon, après, c'est vrai qu'il a quand même très rapidement assez bien réussi en redressant Jaguar, parce que c'est quand même partie de la base de Jaguar. Red Bull est quelque chose de devenu d'assez, quand même, d'assez performant, donc il a eu la confiance du groupe Red Bull. Mais chez Ferrari, on sait très bien que le PDG et le président, voilà, ils sont jamais très loin derrière, donc. Et c'est très politique. On voit pas de Oliver Minzlaff aujourd'hui, de temps en temps un petit peu, voilà. Et Marc Matheschitz, encore moins, quoi. C'est vraiment des gens qui interviennent très très peu dans les médias, quoi. Et très bonne blague de Conseil qui dit on l'appellera Cristiano Corno, Christian Horner. Mais c'est vrai que le souci, c'est que il se rend pas compte qu'en fait, chez Ferrari, le directeur, le team principal précisément, a un rôle de fusible qu'il n'a pas chez Red Bull. Et c'est un fusible qui est, bah, comme tout fusible, prêt à lâcher si jamais il y a un souci, quoi. Et en plus de ça, c'est-à-dire que jamais il sera seul maître à bord, puisque dessus, il y a un PDG, enfin, il y a un directeur et un PDG. Donc, dans tous les cas, il sera jamais Dieu, quoi. Donc, moi, je vois pas comment ce casting-là fonctionnerait. Et si Ferrari le recrute. Enfin, je prédis des années assez douloureuses à la Scuderia, parce qu'il faudra gérer des choses en interne qui ralentiront forcément le programme sportif. C'est vrai que je comprends aussi que le tout un peu léger de Vasseur, des fois, après les courses, puisse un peu choquer des fois les fans. Bon, peut-être pas les Français qui le connaissent bien et qui sait très bien que derrière les rires et l'humour, il y a quand même quelqu'un de sérieux et qui bosse. Et je pense que la plupart des Italiens le comprennent aussi. Mais des fois, le ton un peu léger et rieur, voire moqueur, peut effectivement choquer certains fans assidus de la Scuderia qui s'attendraient à voir la Ferrari un peu plus haut classée, en tout cas. Après, il n'y a pas péril à la demeure non plus, hein. La Ferrari, elle est quand même une très très bonne voiture, et on rappelle que seule McLaren pour l'instant a la recette, jusqu'à nouvel ordre, de la gestion des pneus en course, hein. On rappelle que Monaco, c'est vraiment un cas vraiment très à part. Voilà, il faudra attendre de voir à Barcelone ce que ça donne. Et donc voilà, il n'y a pas que Ferrari qui est en difficulté. Je veux dire, Mercedes l'est aussi, et Red Bull l'est aussi. Donc c'est pas quelque chose de centré sur Ferrari. À ce moment-là, il faudrait faire sauter Horner, il faudrait faire sauter Wolff aussi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais alors, John Smith qui demande, il y a des actionnaires chez Ferrari ou c'est une entreprise familiale? Non, il y a des actionnaires. C'est, non, actionnaires, ouais. C'est Fiat. Fiat en a toujours une partie. La famille Agnelli. La famille en bourse il y a quelques années, oui. Ouais, en plus. La famille Ferrari, et après il y a un fonds d'investissement américain, et puis il y a des actionnaires en plus, donc dans tous les cas il y a un vrai board là pour le coup. Alors, il y a un board chez Red Bull, mais en fait on sait tous qu'il est quand même vachement muselé par les Matechits en gros, et par le Thaïlandais, je ne me rappelle jamais de son nom. Chan, je sais pas comment, Chan, du coup. J'arrive pas à Van Dillon, oui, voilà. Je veux pas écorcher son nom. Et voilà, et. Et c'est vrai que c'est chez Ferrari, c'est totalement différent. Et on nous demande s'il a le même ton léger avec la presse non française. Oui, totalement. Totalement. Pour des interviews sur Sky, Angleterre, Italia, même. Ouais. Ouais, c'est exactement la même chose. Il n'a pas de façon de se présenter aux médias. Le problème, c'est qu'il est assez facétieux, et je pense que c'est vu comme le fait de faire un vote nonchalant, alors que c'est pas du tout. C'est juste qu'en fait, lui, il déteste régler ses comptes en public, et avec les médias, il est toujours sympa. Parce qu'en fait, Vasseur, c'est quelqu'un de très gentil. Et pour l'avoir eu en interview, il est toujours sympa, toujours une blague à dire et tout ça, donc il n'y a jamais de souci avec lui. Mais c'est vrai que quand ça arrive un dimanche soir sur F1 TV après un week-end où la Scuderia a encore raté son week-end, voilà, c'est... Ah oui, merci pour le reporter, c'est Chalerme Yovidia. C'est ça, oui. Voilà, disons que la dédramatisation avec l'humour, elle commence à avoir ses limites des fois. Voilà. C'est ça. Comme dit James Smith, Rossi dirait halt au dilettantisme. Et. Bruno Famin dirait qu'il veut trancher dans le vif. On y reviendra plus tard sur Alpine. Voilà, en tout cas pour Ferrari, donc on verra si. Juste pour ajouter que la nouvelle suspension arrière, qui est censée régler quand même pas le problème, a été reportée à Silverstone plutôt que à Barcelone. Donc il faut encore attendre un petit peu pour les fans de la Scuderia. Mais que malgré tout, ils espèrent quand même que les ailerons, ouais. Que les ailerons fonctionnent bien. Et globalement, ils espèrent que les progrès vus en qualif à Monaco se reporteront quand même sur d'autres circuits. C'était pas juste contextuel au circuit. Voilà pour Ferrari, on a à peu près été exhaustif. On va passer à Red Bull avec la 4e place de Max Verstappen, la 17e place de Yuki Tsunoda. La qualif était moins grave pour Tsunoda qui s'était qualifié 12e, ce qui n'était pas terrible, mais pas non plus, c'était mieux que Pérez les deux années précédentes, par exemple. Mais le problème, c'est qu'il a été un peu victime de cette stratégie dont on parlera un peu après. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Verstappen, quant à lui, a tenté le coup de poker que certains allaient tenter, c'est-à-dire de faire un premier arrêt normal et le deuxième arrêt le plus tard possible en espérant un drapeau rouge pour avoir un changement de pneu gratuit. Et clairement, si c'était arrivé, il aurait gagné tout simplement. C'était assez évident comme ça, mais bon, ça ne s'est pas produit. Du coup, il a dû s'arrêter en fin de course et signer une quatrième place qui lui était à peu près promise, puisqu'il n'était pas au niveau des trois devant et il était largement devant Hamilton. Donc voilà, je pense que c'est à peu près le résumé pour le sportif sur Red Bull. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur le week-end. Verstappen avait dit que les virages à basse vitesse ne convenaient pas à la Red Bull, et bon, ben voilà, hein, je pense qu'on a plutôt, il a plutôt tenu parole, et c'était pas extra comme annoncé, c'était pas non plus la catastrophe comme on pouvait les craindre, c'est-à-dire derrière d'autres équipes, mais pour le coup, Verstappen n'avait pas fait de bullshit, hein, c'est un des pilotes qui fait le moins de bullshit, et là, il n'avait pas fait de bullshit. La Red Bull n'était pas au niveau, ça veut pas dire que ça reste une mauvaise voiture. C'était moins rapide que l'an dernier quand même. Il a fait une pole moins rapide, enfin un tour rapide moins rapide que l'an dernier quand même, ce qui est pas. Ouais, mais c'est ce qu'il avait plus ou moins annoncé. Après, c'est pas catastrophique, hein, loin de là. Il perd que 3 points sur Piastri, hein, si on raisonne comme ça. Ouais. Non, c'est sûr. Après, il est à 20. Je sais plus combien de points. 25 maintenant. 25 au lieu de 22. Ça. Ouais. C'est donc, ça, l'équivalent d'une victoire complète. Voilà, donc c'est un peu. Ce qui est pas énorme au bout de 8 courses. Hein. Non. Quand on voit le niveau de la McLaren, le niveau de la Red Bull, je veux dire, c'est plus que la limitation de dégâts à ce niveau-là. Hein. Et après, moi, c'est vrai que là, de toute façon, on voit que la Red Bull n'est pas une mauvaise voiture. Alors, est-ce que eux, c'est pareil, il y a la question, est-ce qu'ils vont bénéficier de la règle qui rentre en compte le dimanche, ça, enfin, ce week-end, on verra. Mais en tout cas, on a vu un. Horner, il compte beaucoup, en tout cas. Ouais, lui, vu qu'il en parle. Mais bon, Horner, le problème, c'est qu'il a encore dit. Il essaie encore de trouver des choses sur McLaren. Et là, il a dit que c'était le refroidissement, maintenant, qui était probablement illégal. Alors que, du coup, la McLaren a été totalement vérifiée par la FIA de fond en comble, qui n'a rien trouvé. Mais Horner est persuadé qu'elle est illégale, donc évidemment. Cependant, on a eu un Verstappen, ma foi, irréprochable. Il a fait une erreur en essai libre qui n'était pas méchante. Il a fait un petit tout droit à Massenet, de mémoire. À Mirabeau, pardon. Mais à part ça, ça s'est bien passé. Par contre, on a un Tsunoda un peu plus en difficulté. Même schéma que les autres week-ends, hein, c'est-à-dire il est proche de Verstappen en EL2. Et après, quand ça accélère, il n'arrive pas à accélérer. Et voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Je sais pas si vous avez. Est-ce que alors c'est toujours pareil, parce que du coup, on a des rumeurs forcément et on commence à avoir du Helmut Marko qui s'impatiente et qui dit oh là là, on va peut-être mettre Adjar à sa place. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent refaire encore la même connerie, encore et toujours? On est passé de Tsunoda garde son baquet jusqu'à la fin de la saison à oh mon Dieu, mon Isaac, il est trop beau, il est trop gentil, il va trop vite. C'est un petit peu ça. Même chose qu'il disait de Lawson l'an dernier. Faut pas ouais, et on verra après la pause estivale. Donc là, du coup, on est passé de fin d'année à pause estivale. Encore une fois, ça varie chez eux. Ouais, c'est ça. Encore une fois, voilà. Bon, après, chez Red Bull, on sait toujours effectivement que on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Après Tsunoda, comme tu dis, je pense qu'il a été aussi victime de la stratégie. Il s'est un petit peu sacrifié pour Verstappen sur les qualifs aussi, donc c'est un petit peu ça qu'il a frustré et qu'il n'a pas voulu non plus. Il n'a pas voulu trop en dire aux médias le samedi après les qualifications, parce que voilà, la stratégie de roulage a fait que il a été sacrifié clairement. Donc du coup, quand vous sacrifiez une pole, enfin une pole, je parle pas d'une pole, mais un bon tour, un bon temps à Monaco, vous êtes du coup assez loin sur la stratégie et sur la grille. Donc, si c'est assumé par l'équipe, on ne doit pas lui en tenir rigueur, en tout cas, je l'espère. Marco commence effectivement un petit peu à le critiquer, à dire qu'il est de nouveau un petit peu têtu, de nouveau un petit peu émotif et tout ça. Ce qu'il avait arrêté de dire, donc c'est toujours pareil. Hein, c'est un petit peu le baromètre en fait chez Red Bull, c'est Marco. C'est vraiment trop drôle comme c'est toujours timé pareil sur la manière dont les pilotes sont traités. Exactement. Mais moi, j'espère énormément et grandement que Isaac ne soit pas propulsé chez Red Bull dès la mi-saison. Je veux dire, c'est beaucoup trop tôt. Ne grillez pas cette carte-là maintenant. Ils ont déjà grillé Lawson au bout d'une demi-saison en termes de nombre de courses. Ils ont déjà grillé Albon en termes d'une demi-saison, au bout d'une demi-saison. Et en fait, je comprends pas qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est évident que c'est des conneries. On voit bien à chaque fois qu'il change de deuxième pilote chez Red Bull, le mec qui était chez Red Bull passe chez Racing Bull, c'est fait mieux que le pilote qui était chez Red Bull. Et avant ça, c'était l'inverse. Et en fait, on se retrouve toujours quasiment en hiérarchie avec un pilote Red Bull, deux pilotes Racing Bulls, un pilote Red Bull. Quel que soit le numéro 2 chez Red Bull. Au bout d'un moment, s'ils comprennent pas le problème, c'est quand même fou. Alors, ce qui va le sauver, je pense, c'est les propos de Horner qui dit que la priorité absolue est le titre pilote et que le titre constructeur, il est déjà oublié. Donc là, j'espère qu'au moins, ça va protéger Isaac Hadjar et, voilà, d'un transfert beaucoup trop rapide chez Red Bull, qu'on le laisse apprendre correctement son métier de pilote de F1 chez Racing Bulls, une équipe qui est plutôt compétitive, hein, donc on va d'ailleurs en parler assez rapidement, et qui permet justement, avec des jeunes pilotes, de s'épanouir, avec Laurent Méquies qui est hyper qui est hyper attaché à cette formation et qui semble en tout cas prodiguer les bons conseils. On a aussi Alan Perman qui est là. Alors Alan Perman, c'est pas forcément l'ingénieur le plus facile à côtoyer. On le sait, chez Alpine, voilà, il était un petit peu décrié, mais ça a l'air de bien se passer chez Racing Bulls aussi. Donc peut-être qu'il a trouvé une place aussi où il est peut-être un peu moins, en tout cas, directif ou tranchant. Donc non, il faut absolument pas promouvoir Isaac maintenant. Du moment qu'on dit chez Red Bull, la priorité c'est le titre pilote. Certes, l'idéal serait d'avoir une deuxième voiture plus proche pour pouvoir jouer la stratégie, ce genre de choses. Mais on se rend compte que même Verstappen tout seul, le titre pilote, il peut y aller, quoi. Si la voiture évolue dans le bon sens, ça aussi. Parce que là, ça, tout va vraiment dépendre de Barcelone aussi. Si la voiture à Barcelone, elle se retrouve encore une fois larguée par rapport à la McLaren, là, ça sera pas le même discours derrière. Et d'ailleurs, Jos Verstappen, puisque vous l'avez aussi lu, il a dit, attention, on a fait des promesses à Max. Il faut pas que ce soit des mensonges, parce que Max ne supporte pas les mensonges. Donc en gros, ce qui va se passer après Barcelone, en gros, voilà, Horner a vendu une McLaren qui va vraiment perdre de sa vitesse et surtout de sa faculté à bien gérer ses pneus grâce à des ailerons moins flexibles à partir de Barcelone. Si c'est pas le cas et que la Red Bull se retrouve encore plus loin, attention au retour de bâton pour un éventuel transfert de Verstappen ailleurs. Oui, chez Aston Martin, chez Mercedes, où vous voulez, mais en tout cas, il faut pas la faire à l'envers à Max. C'est encore ce que Jos Verstappen a dit encore aujourd'hui. Hein. Il a dit deux fois ce week-end. Il a dit avant le week-end, il a dit après le week-end. Ça fait tellement menaçant quand il le dit en plus. C'est tellement drôle. Mais en même temps, c'est totalement vrai, parce que Horner le vend ce discours-là vraiment et au clan Verstappen et dans les médias. Donc si à Barcelone ce week-end ça se passe mal, j'espère qu'il y aura des journalistes assez avec beaucoup de coronnes pour aller se confronter à Horner et dire voilà ce que vous avez vendu et voilà la réalité. Et si Horner a eu raison, alors là, on pourra que applaudir aussi. Hein. Oui, bien sûr, on essaiera d'être objectif. Quand je vois cependant la confiance chez McLaren par rapport à ce sujet-là, soit ils sont vraiment super bons au bluff, soit à mon avis ils ont déjà prévu. Et quand je sais, de ce que je sais, les équipes ont quand même vachement anticipé ça. C'est parce qu'on la connaît depuis l'an dernier, hein, la date de flexibilité, de renfort des contrôles. Donc les équipes ont eu le temps de faire des évolutions. Tout le monde a déjà apporté plusieurs ailerons avant cette année. Pour moi, il y a des équipes qui avaient déjà anticipé. Je sais que notamment Williams a déjà largement dans le cadre de flexibilité depuis un moment. Je pense que d'autres le sont aussi. Et je suis pas sûr que Horner Horner c'est un peu un bullshitter professionnel aussi, et je pense je suis pas sûr qu'il ait des billes pour dire McLaren va souffrir, quoi. C'est chaud, hein, parce que Jos Verstappen dit que pour l'instant la clause de sortie peut être activée, c'est ce qu'on a aussi écrit aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que Jos Verstappen a dit, donc ça veut dire que Verstappen est encore assez proche de la première place pour ne pas pouvoir activer sa clause de sortie. Peut-être que il n'aura peut-être pas qu'une position championnat, mais aussi il y aura un nombre de points à peu près. Ouais, je pense qu'il y a un truc comme ça. Et il doit y avoir un truc un peu plus compliqué, tu vois, parce qu'on peut dire, si tu es quatrième, tu peux activer. Sauf que si tu es quatrième à 3 points, t'imagines, pilote qui se tient dans 3 points, évidemment, non, tu peux pas l'activer. Donc il doit y avoir un truc et de position et de points. Et quand tu as une victoire, je pense peut-être que c'est à une victoire ou à deux victoires que tu ne pourras pas pouvoir activer ta clause de sortie. Là, Jos Verstappen a dit, effectivement, là, à l'heure actuelle, Max ne peut pas activer sa clause de sortie. Donc ça y est, les langues commencent un peu à se délier, mais aussi le fait que, ce qui a été vendu par Red Bull à Max Verstappen, il va falloir tenir la promesse. Et après, je vous dis que si ça se passe très bien, tant mieux, on n'en va pas plus parler que ça. Si ça se passe mal, attendez-vous à un mois de juin hyper, hyper polémique entre le clan Verstappen et Red Bull. Ça va être sportif, clairement. Ouais. Très clairement. Pour ses 20 euros. T'as dit quoi? Mani pourra récupérer ses 20 euros. Eh ben j'y compte bien. nous on le devra 20 euros aussi. Hein. Eh oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que il y a 40 euros en jeu au total. pour Red Bull, en tout cas, c'est vrai que ça a été un week-end. Bon, ils ont limité la casse sur un circuit quand même qui qui craignait un petit peu, il faut bien l'avouer. Et une équipe qui n'a pas du tout limité la casse, mais qui a vraiment été la surprise du week-end pour moi, c'est Racing Bulls. Avec une cinquième place, enfin une sixième place en qualif pour Isaac Hadjar, cinquième place au départ à la suite de la pénalité de Hamilton, et une neuvième place pour Liam Lawson, qui a fait un très très bon Grand Prix aussi, qui a été le parfait porteur d'eau pour Isaac Hadjar, faut le dire aussi. Mais voilà, une V-Carb 0-2 qui était particulièrement performante, un Hadjar qui n'a pas mis une roue de travers pendant tout le week-end, bravo à lui, parce que ça reste un débutant à Monaco. Et pas une roue de travers, il y a quand même eu deux petites touchettes. Oui, il y a eu deux touchettes, c'est vrai. Il y a eu deux touchettes, mais bon, ça a été, on va dire qu'il a eu la chance du débutant. Oui, en tout cas, la réussite du bon pilote, je sais pas. Mais les deux touchettes n'ont pas été avec des grosses conséquences. Et il y a eu quand même une super course de sa part. Donc avec un très très beau résultat, son meilleur résultat en Formule 1 à la clé. Avant de parler stratégie, est-ce que toi Alex, est-ce que tu t'imaginais que les V-Carb allaient être aussi bonnes? Non, parce qu'ils étaient très mauvais en stratégie. C'était leur problème depuis le début d'année sous les prix. Le manager l'avait dit hein, tout début de saison, de manière très, très directe. Dès qu'il y a un peu de stratégie, on est un peu largué. Donc voilà, c'était un peu la surprise de les voir aussi bien réussir leur coup de la part d'une équipe qui était en souffrance sur ce point. Donc c'est bien, hein, ça montre qu'il y a peut-être eu des remontées de bretelles et que ça a travaillé dans le bon sens. Alors, on était hyper contents de voir Hadjar briller. Hein, je veux dire, sixième, cinquième sur la grille, sixième pour son premier Grand Prix à Monaco. C'était totalement mérité. Et voilà, Lawson qui était un peu voilà, la voiture balai, mais en même temps, un balai qui marque deux points. Donc, c'était vraiment le meilleur week-end de l'année, très clairement, pour Racing Bulls. Ils marquent des points qu'ils auraient dû marquer peut-être davantage en début d'année. Ça y est, on ouvre le fameux chapitre de la stratégie à deux arrêts qui a été décidée à Monaco, puisque en fait c'est quelque chose qui était attendu par tout le monde en fait, cette stratégie, et on s'attendait tous à quelque chose de très sympa. Alors on était déjà tous contents au départ de ne pas avoir de drapeau rouge, on était tous contents ensuite de ne pas avoir de safety car trop rapidement. Il y a quelques équipes qui ont joué l'arrêt au premier tour, elles sont pas dans les premières positions évidemment, mais voilà, il fallait que la stratégie anti-sportive soit développé par une équipe, et soyons clairs, on ne peut pas dire ça autrement, Racing Bulls a déployé la stratégie anti-sportive qui a fait capoter l'idée de la F1, des teams principales, de ces deux arrêts obligatoires à Monaco, c'est d'avoir un équipier qui joue le jeu de l'autre équipier et qui ralentit le peloton, puisque comme on ne peut pas dépasser à Monaco, même si vous voulez 3, 4, 5 secondes moins vite, et ben il vous suffit de 4 tours, puisque 4 fois 5 secondes ou 5 fois 4 secondes, puisqu'il faut à peu près 20 secondes à peu près à Monaco pour s'assurer d'un arrêt gratuit, ça vous permet effectivement de profiter de cela. Et en fait, c'est Racing Bulls qui a appuyé sur le bouton, la première, en décidant voilà, que Lawson ralentirait le train derrière lui. Ça a profité d'ailleurs à toutes les voitures qui étaient devant, donc il n'y a pas que Hadjar, toutes les voitures qui étaient devant étaient protégées, du coup, donc tous les Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, tous ceux-là ont été protégés pour leur premier arrêt, puisque Lawson a ralenti tous les gens, toutes les personnes derrière lui. Et voilà, et du coup, ce qu'on craignait, qui avait quand même été souligné par plusieurs pilotes, dont Alex Albon, puisque on en parlera plus tard pour Williams, mais eux aussi, ils ont été du coup la deuxième équipe à embrayer derrière sur la stratégie antisportive de « je ralentis mes petits camarades derrière moi pour protéger mon équipier ». Voilà, c'est ce qui fait que c'est hyper dommage. Voilà, on a fait un petit sondage sur le site qui a eu énormément de popularité. Voilà. Beaucoup ont dit que c'était effectivement un hymne du Grand Prix, mais certains ont quand même aussi dit qu'il faudrait réessayer. Et l'idée, effectivement, qui pour moi n'était pas mauvaise du tout, il y avait juste d'autres trucs abordés qui l'ont été, mais pour moi, par exemple, il aurait fallu interdire les arrêts dans les 10 premiers tours et dans les 10 derniers tours, sauf cas de figure, crevaison, touchette, autre chose qui aurait justifié de faire un arrêt, qui serait à ce moment justifié. Il aurait fallu interdire déjà les arrêts sur les 10 premiers tours et les 10 derniers tours, pour pas non plus attendre une safety car au tout dernier moment, comme Verstappen, hein. Ça aurait, si c'était arrivé, il aurait pu effectivement gagner le Grand Prix. Ce que tout le monde réclame, c'est voilà, comment est-ce que la FIA pourrait monitorer, repérer les Formule 1 qui vont trop lentement. À mon avis, c'est pas trop compliqué hein, sur Monaco, mais si on arrive à régler juste ce point-là, la stratégie à deux arrêts, pour moi, c'était pas une mauvaise idée sur le papier, mais cette stratégie anti-sportive qui avait été anticipée par certaines équipes, en fait, elle a tout foutu en l'air. Donc, sinon, ça aurait pu être très très intéressant. Vous auriez enlevé ces deux stratégies de Racing Bulls qui ralentit le peloton et Williams qui ralentit le peloton. ça aurait pu mettre quand même quelque chose de vraiment bien plus sympa en termes de déroulement de course. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, quand tu je dis le que c'est pense. pas trop compliqué, ouais, comment faire sans faire une usine à gaz dont la F1 est quand même spécialiste. Bah, la FIA a toutes les télémétries, tu sais, donc au bout d'un moment, ça peut mais être comment très, tu très, très... la limite ou... Ouais, mais, en fait, moi, je trouve que mettre une limite sur un tour compétitif, enfin, des tours compétitifs, tu vois, en qualif, on met des limites de temps, par exemple, sur les tours de lancement ou de sortie et d'entrée, parce que justement, c'est pas des tours compétitifs. Mais en course, le pilote peut avoir un problème de pneus, un pilote peut avoir un problème de voiture, et du coup, enfin. Ça impliquerait pour moi qu'il y aurait énormément de choses qui seraient à surveiller, à prouver, tout ça. Enfin, ça je... quand on voit que la FIA n'est pas capable d'appliquer son propre règlement tel qu'il est aujourd'hui, parce que ça, encore une fois, ils ont une pièce à Genève qui est censée faire les courses en direct et les aider, elle ne prend pas de décision puisque tout est soit reporté après, soit mal jaugé, etc. Je vois pas à quel moment ils auraient les moyens techniques, professionnels, et probablement humain de faire un truc comme ça en fait. Il y a une idée, c'est des disqualifications directes quand ça arrive, parce que en fait si la personne reprend un rythme plus normal après, ça a été constaté, c'est disqualification directe et de l'équipe entière. Ouais, mais regarde par exemple, je sais pas, un pilote qui a du graining, il peut perdre des fois jusqu'à 2 secondes au tour. Après, là, ouais, mais on sait très bien qu'à Monaco ça arrive pas. Oui, en non, fait bien c'est sûr, ça, on le fera pas aux fans, on le fera pas aux médias, on le fera pas à la FIA à Monaco. Je veux bien que ça puisse arriver sur un autre circuit, aucun problème. Si on teste cette stratégie des deux arrêts sur un autre circuit, peut-être Singapour, hein, imaginons. Mais à Monaco, le greening, ça n'arrive pas. Même avec les C6 qui étaient les plus tendres possibles, ça n'arrivait pas. Donc je pense, pour moi, c'était en tout cas une très belle tentative de la F1 de faire ça. D'ailleurs, on en avait tous parlé, on était tous assez unanimes, même tous juste avant le départ, en se disant ah, peut-être ça va pimenter les choses. Mais si effectivement on laisse ce genre de choses antisportives se développer, sachant qu'à Monaco c'est quand même assez facilement identifiable, disqualification directe et élimination directe, drapeau noir et blanc, ou je sais pas comment c'est, le drapeau noir ou drapeau... Noir, oui, c'est drapeau noir, bah, disqualification automatiquement des deux voitures. Et là je peux vous dire que les équipes ne joueraient pas. Pour moi c'était peut-être le point au briefing qu'il aurait fallu jouer. Pour moi, c'est ajouter un pansement sur un pansement. Mais c'était tellement obvious. Enfin, ah bah oui, ça, même... c'était tellement évident que. On rappelle que le principal lanceur d'alerte était Alex Albon. Hein, que finalement, c'est eux qui ont. Mais même sans ça, quand on l'a vu se dérouler en course, on a compris. On a tous compris ce qui se passait. Bien sûr. Donc, je veux dire que si nous, on l'a compris, la FIA a encore plus les moyens de le comprendre. Donc, sortir le drapeau noir pour les deux pilotes, je pense que ça aurait été rédhibitoire si ça avait été annoncé avant la course pour que ce genre de stratégie ne se déroule pas. Moi, je vais aller un peu plus loin, et je pense que on essaye aujourd'hui de régler un problème qui n'a dérangé personne pendant 70 ans. C'est-à-dire que Monaco a toujours été une purge dimanche. Moi, je me rappelle très bien, le premier Grand Prix de Monaco que j'ai vu en direct dans ma vie, c'était 96, forcément, c'était pas la purge, il pleut, les pilotes font n'importe quoi. Il y a des mecs comme Luca Badoer et Ricardo Rosset dans le peloton, forcément, bah, les mecs, c'est des chèvres, donc ça tape dans tous les sens, etc. La course, elle est très animée, les voitures sont pas fiables, ils sont trois à l'arrivée, tu te dis, putain, c'est le Grand Prix le plus fou que j'ai vu de ma vie. Olivier Palis, il se gagne, enfin bref, voilà. Mais l'année suivante, 97, pareil, Grand Prix fou, Schumacher gagne, Barrichello deuxième, etc. Sauf que derrière, la réalité a repris le cours. Et après, il y a eu des éditions complètement pourries. Et je ne me rappelle pas, dans les années 2000, d'une bonne édition. C'est-à-dire que même l'année, par exemple, 2004, où Yarno Trulli gagne et où il y a le seul abandon de Schumacher sur les 13 premières courses de la saison, etc., c'est pas une super course. Il n'y a pas beaucoup de dépassements. 2001, Coulthard il fait la pole, il cale, il repart en fond de grille, il passe son Grand Prix derrière une Arrows, qui est une voiture qui lui rend 3 secondes au tour. Et 2007, les McLaren font un doublé, on se fait chier comme pas possible. Le seul moment où on a un minimum d'adrénaline, c'est Hamilton qui touche un rail avec une roue arrière, et c'est tout. 2009, Button gagne avec la Brands, c'est chouette, c'est Brands, etc. La course est nulle à chier. Et je pense... Et 2008, elle est très bien. Pourquoi? Parce qu'il pleut. Et je pense que soit à Monaco, pour moi, c'est soit on dit, on part du principe que c'est le dimanche va être chiant et on arrose la piste tout le temps en se disant bah, au moins ce sera fun. Soit on dit. L'idée de Russell, ça. Comment? L'idée de Russell, ça. L'arrosage. En vrai, c'est juste ça. Parce que pour moi, le problème, c'est que Monaco, il y a X mille raisons pour lesquelles la course est chiante. Et juste beaucoup de choses, beaucoup de gens ont dit que c'est parce que les voitures étaient trop larges. Je rappelle juste que Senna est resté bloqué derrière Mansell en 92 et les voitures étaient bien moins larges à l'époque. En 92, donc, non, c'était plus large. Mais, pardon. Mais Bernoldi et Coulthard, c'était des voitures moins larges. C'est pareil, oui, c'est le problème est le même. Et en fait, parce que justement, de toute façon, C'est une piste qui est étroite, tu peux pas passer plus de deux voitures à la fois, et en plus ça serpente, donc t'as même pas un gros bout droit, il y a littéralement pas de ligne droite. Pourquoi les pilotes se laissent passer après la chicane? Parce que l'endroit entre la chicane et le bureau de tabac, c'est le seul bout réellement droit du circuit. Beau Rivage, ça monte en serpentant, le tunnel, il est pas droit, la ligne droite, elle, de départ, elle est pas droite, c'est une ligne courbe, et c'est tout, il n'y a pas de ligne droite. Donc en fait, et le reste, c'est que des virages. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent, et le seul autre bout droit, c'est la descente vers Mirabeau, mais il y a une bosse, donc tu peux même passer à deux tours. Ouais. Et bon, je pense... Comment? La boss Nico Rosberg. La fameuse. Et je pense que y a... Alors, ça. Il y a peut-être deux solutions. Alors, soit modifier le tracé, si c'est possible. Hein, ça reste à voir. Soit faire deux samedis, hein, c'est-à-dire que le dimanche devienne un samedi avec attribution de points le samedi et le dimanche. Même une grille inversée ne résoudrait pas le problème. Non, c'est sûr. Donc, en fait, ça résoudrait le problème. On aurait sûrement des vainqueurs avec on aurait une Sauber devant une Alpine et une. Il y a un article qui a fait un carton. D'ailleurs, je suis extrêmement content de ça. C'est Wurz qui a proposé des trois idées pour améliorer le circuit. Ça a fait un carton hier. Ça continue encore d'ailleurs à cartonner aujourd'hui sur le site. D'ailleurs, je l'ai vu passer sur le chat. Des idées, effectivement, celles qu'on avait déjà prônées déjà l'an dernier, c'est-à-dire repousser la chicane du port plus loin. Voilà, puisqu'il y a la place. On sait très bien que Monaco n'a aucun problème pour gagner de la surface sur la mer, puisqu'ils savent créer des marinas, ils savent créer des nouveaux quartiers sur la mer. Pourquoi effectivement ne pas repousser du coup la chicane du port? Dans le tracé proposé par Bourse, c'est 80 mètres. Voilà, on redonne un peu de marina avant, on prend un peu sur la marina après. Ça nous fait un freinage beaucoup plus appuyé, beaucoup plus droit. Pourquoi pas? Il y a ça, il y a élargir aussi un petit peu la rascasse. Voilà. Bon, il y a un petit problème, je crois, sur un parking souterrain qui a une entrée qu'il faudrait essayer de revoir, mais bon, c'est pas évident. Et aussi élargir l'épingle au Fairmont, puisque c'est pas... Alors, le Fairmont, le Loves, le Grand Hôtel, enfin, il y a plusieurs noms différents. Moi, j'ai commencé à mon époque avec l'épingle du Loves, hein. C'est encore le nom traditionnel. Mais voilà, puisqu'il n'y a pas besoin il n'y a pas de commissaire à l'intérieur, il n'y a pas de commissaire juste sur l'extérieur, donc on pourrait vraiment bouffer sur les trottoirs et sur le vibreur pour faire quelque chose de 2 mètres plus large et peut-être avoir deux trajectoires. Sur l'épingle du Loves, je suis un petit peu moins d'accord que Wurz sur le fait que ça favoriserait des choses. Alors, ça ferait peut-être vraiment très propices, je pense, aux accrochages, un peu trop propices aux accrochages. Mais l'idée d'un nouvel chicane, évidemment, ça, tout le monde y pense, parce que au-delà de la chicane du port, vous savez très bien qu'il y a une contre-allée en fait qui sert de dégagement pour les voitures. Il suffit effectivement de repousser les rails, repousser tout ça de 80 ou 100 mètres pour gagner un petit peu. Pour ce qui se rappelle, c'est là où passait la Formule 1 les premières années. Ouais. Le circuit en fait tournait à droite et passait directement. Il y avait une épingle à la chicane et ça remontait sur le. C'est ça. La piscine. Mais bon, ça fait, comme dit Dominique Alli, ça fait 75 ans que ce Grand Prix est comme ça. Ça fait 75 ans qu'on dit à Monaco d'essayer de penser à des choses différentes et ça fait 75 ans que ça bouge pas. Donc ça veut dire que c'est quand même aussi beaucoup plus compliqué qu'on veut bien vouloir le dire ou le mettre sur le papier. Maintenant, Monaco, en plus, ils ont re-signé jusqu'en 2031. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont pas la pression non plus du renouvellement immédiat. Ouais, maintenant, la FOM avait mis quand même la pression. Ouais, mais la FOM a récupéré tous les droits marketing, ils ont récupéré toute la couverture télé, ils ont récupéré tout le sponsoring, tout ce que Monaco gardait pour elle. Voilà, donc Monaco paye maintenant 25 millions au lieu de 15. Donc voilà déjà, et ils ont perdu tout ce qui faisait un petit peu les rentrées d'argent de leur côté, en échange du renouvellement. Donc oui, Dominique Alli s'extasie de jour de la beauté, du côté glamour de Monaco, et je suis totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord, les photos sont splendides. C'est toujours splendide, et le samedi pour moi est toujours effectivement la séance qu'il faudrait bonifier clairement, avec des points spécifiques pour. Mais la course. Je suis désolé, l'idée des deux arrêts, pour moi, je ne vais peut-être pas me faire des amis dans le chat, et je ne me fais pas des amis par rapport à la majorité des votes que j'ai vus sur le site, sur le sondage qu'on a fait. L'idée, pour moi, est à retenter avec, pour moi, je pense, un meilleur balisage sur le fait d'interdire les arrêts sur les 10 premiers tours, les interdire sur les 10 derniers, évidemment, sauf cas exceptionnel, supprimer cette putain, désolé, de règles qui permettent de changer gratuitement de pneus sur la rouge. Alors ça, ouais. Ah oui, ça, ouais, voilà. D'accord. Au moins pour Monaco, puisqu'on moins sait faire de tout, on sait, voilà. Pour tout. Oui, d'accord. Mais c'est au moins, la merde, cette règle. On peut faire des règles spécifiques pour Monaco, donc on peut faire celle-là pour Monaco. Et, je suis désolé, on sanctionne les deux pilotes par une disqualification immédiate en cas de stratégie de collaboration. En tout cas, peut-être moins des avertissements d'un ou deux tours. Oui, Voilà. Ouais, bon, on voit ce que vous faites et voilà quoi. Ouais. C'est pour moi c'est totalement faisable. En tout cas, moi je veux quand même saluer le fait que la fille à la faune tente des choses. Oui, non, c'est clair. Ah, voilà, ceux qui disent voilà la nouvelle génération est habituée au spectacle, etc. Bah, pourquoi on devrait avoir des purges hein, je veux dire, c'est pas une fatalité. Donc c'est très bien de tenter ça. Et voilà, c'était juste une première étape. Hein. Moi, je vais juste te dire ce qu'a dit Vasseur. Je pense qu'il ne faut pas s'acharner, à mon avis. Mais après, voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, la question, c'est qu'il faudrait faire un sondage à tous les fans de F1. Qui sont les fans traditionnels, un peu comme nous, qui vont la F1 depuis plusieurs décennies, en ce qui me concerne, même Manu, Alex aussi, toi, ça fait plusieurs décennies aussi. Et tous les nouveaux fans qui sont arrivés sur est-ce qu'il faut garder Monaco au calendrier ou pas. Et un vrai gros sondage lancé par la FOM. Donc c'est le site officiel de la F1 qui a vraiment une grosse portée, qui serait lancé sur plein de médias différents pour dire voilà, est-ce qu'après 2031 on continue ou on arrête. C'est simple hein. mais à voir les résultats moi je pense pas parce que pour des raisons contractuelles ça m'étonnerait qu'ils fassent un sondage et ensuite pourquoi que Monaco hein bah, j'ai envie de dire Las Vegas on arrête. Bah, puis même tous les autres, après si tu fais un sondage pour Monaco, tu peux faire un sondage pour tous les Grands Prix. C'est pas la vie du public, hein, c'est la vie du portefeuille. Monaco, c'est clairement le circuit sur lequel on sait très bien que les dépassements sont possibles. Après, il pourrait s'en servir comme moyen de pression, pourquoi pas. Je vois pas la femme décider son calendrier, je veux dire, voilà, à Abu Dhabi, on arrête ou pas, enfin voilà, c'est... Non, mais Monaco, jouer c'est... À ce jeu-là. Non, ouais. Pas sur. Mais. Pff, ouais, de toute façon, les sondages, ils ressortent toujours sur X, partout, sur différents sites. Et on voit très bien que les nouveaux fans prennent le pas sur les anciens. Alors, certes, les nouveaux fans sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. C'est vrai aussi, hein, je vais pas dire le contraire. Les gens de 50, 60, 70 ans, ils sont moins sur les réseaux sociaux, mais ils continuent à regarder la F1. Et du coup, ils se prononcent un petit peu moins. Mais il y a quand même un anti-Monaco primaire qui est en train de se développer un petit peu dans les médias sociaux, en tout cas, qui fait que effectivement cette course n'a plus vraiment de grâce, en tout cas auprès du jeune public. Et je peux le comprendre, parce que cette partie un peu bling-bling, champagne, glamour, tout ça, ça a quand même des relents des années 90 et 2000 qui sont plus vraiment les valeurs de notre époque, on va dire. Voilà. Pour rester poli, on va dire. C'est un peu ce qu'il y a. Enfin, c'est clairement de l'étalage de pognon de richesse. Il y a pas de doute. Maintenant, moi, le problème de Monaco, c'est que concrètement, ce qu'ils faisaient avant que Monaco était intéressant et que c'était un vrai sélecteur dans le calendrier, c'est que il y avait des voitures qui n'étaient pas fiables et des pilotes qui étaient moins bons. Donc, en plus, le circuit est quand même assez dur pour les voitures. Les pilotes tapaient pas mal les rails et tout ça, donc il fallait des suspensions solides, il fallait des roues qui étaient solides, machin. Et les pilotes qui gagnaient Monaco, c'était parce que c'était les guerriers qui arrivaient à aller au bout des 260 km de course en principauté. Aujourd'hui, on a des voitures qui sont fiables. On a des pilotes qui sont les meilleurs, c'est l'élite, clairement. Et aujourd'hui, on a un peloton qui est d'un talent. Quand on voit qu'on dit qu'un Stroll, c'est le pire pilote de la F1, mais mettez un Stroll en 90, le mec, il est top 10 sans problème. Et c'est, concrètement, c'est tout. C'était le seul sélectif. Enfin, c'était pour ça qu'il était sélectif. Aujourd'hui, on a tout ça. Donc, c'est plus le cas. Il est plus sélectif comme il était avant. Tous les pilotes, maintenant, on l'a bien vu en 2023. Il y a 19 pilotes qui font pas une seule erreur, alors que le Grand Prix se fait sous la pluie, dans des conditions changeantes et tout ça. C'est un carnage. Les mecs qui en mettent pas une de travers. Et à côté de ça, on a des voitures qui vont au bout. Donc, on a plus cette surprise, même si Alonso dirait pas ça actuellement. Mais le fait est que la plupart des voitures sont fiables. C'est une météorite qui est tombée sur sa voiture. lui, je pense qu'il y a un chat noir, mais dans le moteur. Et qui se tient au chaud. Et le truc, c'est que là, les par exemple, je pense aux modifications de circuit, parce que tout le monde en parle, il faut changer le circuit, etc. Pour moi, ça ne changerait rien. Quoi qu'il arrive, il n'y aurait pas un seul changement qui permettrait de réussir à faire un bon circuit, parce que les voitures aujourd'hui freinent très tard. Ça, c'est pareil. Après, on a un débat plus large, mais est-ce que les voitures n'ont pas trop d'appui? Avant, on avait des zones de freinage à la chicane après le port. Les voitures freinaient quasiment au moment de la bosse, qui d'ailleurs a été lissée depuis. Mais du coup, les voitures freinent à ce moment-là. Aujourd'hui, ils freinent quasiment à 50 mètres du point de corde. Donc, il n'y a plus de différenciateur au niveau du freinage des pilotes. C'est les voitures, on freine très tard. Et à côté de ça, on a effectivement des pilotes qui osent un peu moins se dépasser, parce que quoi qu'en disent certains sur les réseaux sociaux, les pilotes sont beaucoup plus, et même dans les commentaires on a vu ça, mais les pilotes sont beaucoup plus prudents et propres aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Mmh. Et oui, c'était Thierry Boutsen qui disait ça la dernière fois à Imola sur F1 TV, et moi je trouvais ça totalement faux. Les pilotes sont beaucoup plus clean aujourd'hui, et forcément on a moins d'accrochages. Donc pour moi, Monaco, il faut accepter que le dimanche c'est un peu une purge et que des fois on a des éditions qui sont complètement folles. Je me rappelle que 2022 c'est génial, on n'a eu aucun débat là-dessus parce que la course était excellente sous la pluie. 2023 on n'a pas eu de débat non plus. Puis 2024 on a eu une course de merde en plus à cause du drapeau rouge au départ. Et là tout le monde en est reparti à dire putain, Monaco c'est horrible. L'an prochain vous allez voir si la course est sous la pluie, qu'on peut avoir un podium un peu surprise quoi, comme à Ocon en 2023 ou quoi, vous allez voir que personne ne va parler du spectacle. Moi pour moi, il y a deux solutions. La première c'est de mettre des points le samedi. Même barème que Sprint. Oui, ça tous les 8 d'accord. Les 8 premiers. Tous d'accord. Et la deuxième, sinon, c'est que, à l'image du Grand Prix de Suisse qui était en France il y a quelques temps, on pourrait faire le Grand Prix de Monaco au Paul Ricard. Comme ça, on a un vrai. On a un vrai. Ouais. On non, garde le Grand Prix de Monaco, mais là, on a des dépassements. T'as pris, là, mais t'as pris un truc avant l'émission, c'est pas possible. Non, mais on a marre des circuits urbains, putain. Remettez-nous des circuits hors ville. Oui, alors je suis d'accord. Entre un circuit urbain comme Monaco et Paul Ricard, figure-toi, je préférais peut-être Monaco quand même. Ah bah, pas moi, putain, les deux derniers. Pour le spectacle. Ouais, parce que moi, je me régale le vendredi, je me régale en Libre 1, je me régale en Libre 2, je me régale en Libre 3, je me régale en Calife. C'est vraiment, s'il y a bien. Ouais, moi aussi. C'est vraiment qu'il y a bien 4 heures dans l'année où je me concentre le vendredi et le samedi à regarder la télé, il n'y a pas à écrire des news à côté ou faire des photos ou choses en même temps, c'est bien Monaco. Ah, Doko a une bonne solution, sinon on les fait partir de Monaco et on les fait arriver au Paul Ricard. Ça, c'est la Targa Florio. Non, mais oui, alors évidemment, c'était une blague, hein, vous calmez-vous. Je vois dans le chat, tout le monde est prêt à me couper la tête, mais vous en faites pas, c'était une blague, évidemment. Je ne veux pas, c'était juste pour le truc fun, mais voilà, après, ouais, il faut juste accepter que Monaco, c'est pas parfait. Oui, et spoiler alert, hein? La FIA a proposé de faire les qualifs au Castellet et la course à Monaco. La pire idée. Non mais voilà, je pense qu'il faut accepter que tous les Grands Prix ne sont pas parfaits. Il ne faut pas oublier que le Grand Prix d'Espagne où on va dimanche, c'est généralement une sacrée purge aussi. Et puis il y a des fois des éditions qui sont superbes. Et il y a des Grands Prix comme Silverstone où il y a quasiment que des éditions superbes, mais quelques purges. Et en fait, on peut pas avoir que des grands prix parfaits, et surtout quand on met 24 par an. La F1 nous vend un truc genre, oui, c'est le meilleur championnat, on a 24 courses par an, mais sur 24 courses de sport auto, et quelle que soit la discipline, tu auras forcément des courses de merde. Le seul contre-exemple que j'ai, c'est le BTCC dans les années 90, où toutes les courses étaient folles. Mais on est sur un truc qui est totalement différent et hors du temps. Et c'est comme ça en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut accepter que Monaco soit pas parfait. Il nous offre un super spectacle le vendredi et le samedi, comme tu disais, Franck. Le dimanche, des fois aussi. Et c'est tout. Et après, le dimanche, oui, des fois, c'est la promenade du dimanche. Et la promenade du dimanche, encore une fois, comme l'a dit Vasseur, faut quand même pas sous-estimer. Oui, 78 tours à fond, 78 tours à Monaco. Limite. Ouais, parce que en fait, on a trop tendance à considérer comme acquis le fait que c'est facile parce que les pilotes sont très bons. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Mais pour moi, ça reste quand même un sacré défi. Et on voit surtout qu'en tête de course, cette année, ça a dû rouler à fond à cause de ces stratégies. Ouais. Non, moi, je reste quand même sur mon idée de ce que j'ai dit, c'est que si on arrivait à mieux canaliser cette règle de deux arrêts, ça aurait pu faire quelque chose de très sympa. Voilà. Et ben si moi, je dis. Non, mais clairement, c'était une bonne idée. Sans toucher au tracé, sans toucher à des grilles inversées, sans toucher à des trucs un peu chelous. Cette règle-là, si on arrive un peu à la peaufiner et à sortir le carton rouge, enfin le carton noir, c'est comme ça que ça se dit en F1, aux stratégies antisportives, on avait un super Grand Prix Monaco. Ouais, c'est bien, ça nous fait un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, parce que moi je dis ne changeons rien, gardons la même chose que partout ailleurs, et acceptons que ce soit pas parfait. Et alors Lambeau Diabo me donne un argument qui est très très bon et je vais reprendre avec plaisir. Suzuka cette année, c'était pire que Monaco. Ouais. Et pourtant, personne ne critique Suzuka. Mais alors que c'était horrible, il s'est rien passé à Suzuka cette année. Si, il s'est passé qu'on n'a pas une victoire McLaren, ça c'était bien. Alors, moi je suis pas d'accord, mais surtout, non mais en vrai, on s'est fait chier comme pas possible, c'était horrible. Mais parce que Suzuka a pas l'image d'un circuit où il est impossible de dépasser. Hein. Et pourtant, c'est un peu le cas maintenant. Parce que, à part, en fait, la seule zone DRS valable, potable, enfin, les deux seules zones DRS se terminent par des virages super rapides. Jack Doohan en sait quelque chose, et c'est vraiment très difficile à dépasser. Donc, Suzuka. Et parce que Suzuka ne donne pas l'impression de profiter de son image, de paillettes, etc. Ouais, après, oui, c'est possible aussi. Et Monza, je trouve d'ailleurs, c'est pareil, c'est pas terrible au niveau spectacle. La F1 a quand même une solution. Ouais, il y a la Hongrie. Hein. La F1 a quand même une solution pour 2026. Elle commençait à émerger dans certaines têtes, on va dire, c'est qu'en 2026, on a des voitures qui seront dotées d'une sorte de, pas de push-to-pass, mais un petit peu, de limiter effectivement les F1 quasiment à leur puissance du moteur thermique, et qu'on décide qu'il y ait X secondes ou X possibilités d'activer son push-to-pass électrique spécifiquement pour ce Grand Prix-là. Je dirais que si vous regardez l'IndyCar, vous connaissez très bien. Voilà, et je trouve que c'est une bonne idée aussi, peut-être, à tenter, puisque de toute façon, entre une F2 qui tourne en 1,20 à peu près, je crois, et une F1 qui tourne en 24, une... je crois. Ouais, voilà, c'est ça, 24. Mais bon, voilà. Mais si on prend les rythmes de course, on est entre 6-7 secondes au tour, différence, qui du coup, la télé ne se voit absolument pas. Garder, effectivement, du coup, l'attrait d'électricité à déployer X fois par tour, je ne sais pas combien, c'est pas moi qui pourrais faire. Déjà, personne ne sait encore les performances des moteurs 2026, mais le garder de manière avec un déploiement spécifique à Monaco, ça pourrait être effectivement une excellente idée, peut-être pour pimenter un peu plus ce Grand Prix. Et nul doute que je pense que ce sera étudié, puisque je crois que c'est Jonathan Whitley, pas là, qui a évoqué cela, et je trouve que c'est effectivement une excellente idée. Alors, Harry Portier, ça ne fait pas un peu Formula I, c'est plutôt qu'on applique ce qu'on applique actuellement au DRS, au lieu de le faire sur l'aéro, ouais. On le fait sur le moteur, et en fait, au lieu de le faire sur des zones précises, on laisse au pilote le choix de le faire. En fait, finalement, moi, je trouve que le DRS, ce serait un peu risqué, mais je trouve que le DRS, on dirait, tu en as tant de secondes que tu actives quand tu veux, et ben, ce serait vachement plus sympa. Parce qu'au final, on aurait un truc où les pilotes pourraient le tenter dans des endroits un peu plus dangereux. Alors, dangereux, surtout qu'on dit que le tunnel, il passe avec DRS ouvert. Ils sont tous unanimes là-dessus. Hein. Bien sûr. De toute façon, une F1, vous voyez, ça produit tellement d'appui qu'il pourrait passer dans le tunnel en étant plaqué au plafond. Hein. Donc, voilà. Et dans les virages, ça peut passer dans les virages pas trop serrés. Alors, on sait qu'à Suzuka, virage 1, ça ne passe pas. On sait qu'à Silverstone, virage 1, ça ne passe pas non plus. Mais bien sûr, dans certains virages, ça passe évidemment à fond. Genre mais tu vois, enfin, il y a des zones qui sont pas des zones de DRS sur certains circuits. Je pensais c'était lequel la dernière fois à Miami, je crois, il y en a une à un moment où il y a pas de DRS, par exemple. Et ça pourrait largement en être une. Donc ou même à Imola, il pourrait être déclenché dès le début de la ligne droite, quoi. Mais bon, le DRS il n'y aura plus l'an prochain, donc voilà. Ouais. Ça va arriver. Mais en fait, oui, enfin, après, je pense que. Et voilà, le DRS, si. D'ailleurs, l'absence de DRS, je pense que les gens vont vraiment gueuler parce que ça va encore enlever des dépassements. Donc, effectivement, s'il n'y a rien de plus. S'il n'y a rien de plus pour en rajouter, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, pour le dépassement, c'est facile, comme il y aura 5 secondes d'écart entre chaque moteur. Mais encore une fois, et ça c'est pareil, c'est aussi pour ça qu'avant à Monaco, de temps en temps ça dépassait. Même si on se rappelle que Ricciardo gagne avec un moteur complètement amorphe en 2018 et une voiture qui était beaucoup plus lente. Donc, J'appelle que Bianchi fait une 9ème place, je crois, à Monaco en 2014 avec un superbe dépassement à la Rascasse. Oui. Ou Anthony Noguès, chose comme ça. Tout à fait. Exactement. Rascasse. Puisqu'on parlait d'équipe qui aurait surpris, on va parler de Haas, puisque Esteban Ocon termine 7ème du Grand Prix, Oliver Berman termine 12ème. Donc là aussi, une Q3 pour Esteban Ocon, sa première avec Haas, la première depuis le Grand Prix du Brésil 2024 pour lui. Et super week-end d'Esteban, concrètement, la voiture allait mieux, lui était en confiance, et ils ont encore des choses à régler, mais ça va beaucoup mieux, et super résultat. Ocon est très très bon à Monaco, on le sait. Podium il y a 2 ans avec Alpine notamment, et il prouve encore une fois que c'est un peu un de ses terrains de jeu favoris. Rien à redire sur la performance d'Esteban. La Haas, du coup, pas de soucis d'oscillation aérodynamique sur ce circuit, puisqu'on est sur de la basse vitesse pure, donc le point faible de la Haas VF25 ne s'est pas manifesté sur ce circuit-là, donc c'est vraiment du talent de pilotage pur, et la Haas mécaniquement elle est quand même plutôt bien, donc Esteban a fait surtout que Berman a été éliminé en Q1, hein. Voilà, ouais, donc ça aussi, et Berman effectivement il alors prend avec 10 un écart places. Très faible, hein, en Q1. Je crois qu'il y a un dixième d'écart entre Mais Berman prend surtout 10 places vraiment très bêtement sur un non-respect de drapeau rouge, ce qui ne devrait pas arriver à ce niveau-là. C'est justifié sur le fait que pour lui, ça lui semblait plus safe de passer. C'était Williams de Sainz, je crois d'ailleurs. Ouais. Alors que le drapeau rouge était affiché déjà à l'entrée de la sortie de la chicane de la piscine, il avait largement le temps de ralentir. C'était inexcusable pour le coup, et 10 places à Monaco, je pense qu'il a dû se faire bien remonter les bretelles par son équipe, et voilà, c'était plié pour lui, donc voilà, bravo Esteban, pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire de plus, On sait qu'il est là. Et quand la monoplace n'est pas le facteur limitant pour lui, sur ce genre de tracé. Mais c'est le patron. Voilà, exactement. Il prouve qu'il est là. Donc, voilà, je ne sais pas plus à dire là-dessus, parce que voilà, on est déjà à 1h20 de l'émission. C'est le meilleur des autres, à part Albon qui a 42 points. Lui, il a 20 points, hein, c'est-à-dire. C'est ça. Assez largement devant. Et bon, ce qui permet à Haas d'être 6e, ce qui est quand même pas mal. Ouais, et il n'est plus qu'à 3 points de son total 2024 de la saison complète, sachant qu'il avait marqué sur ses 23 points 18 oui. points au Brésil. Donc, Voilà, comme quoi c'est plutôt lui qui a tranché dans le vif. Hein. Ou on a tranché dans le vif pour lui, peut-être. Ouais, je pense qu'il doit bien s'amuser quand même aujourd'hui en voyant tout ça. Ah bah il avait l'air même visuellement sa tête, sa coiffure, ouais. Enfin même visuellement c'était l'effet de la renaissance quoi. Et il y avait un gros c'est soulagement. Ouais. Evian avait une pub comme quoi observant les effets d'Evian sur votre organisme, ben là c'est observer les effets de quitter Alpine sur votre organisme. Ah bah c'est ça. Non puis après je pense qu'après quelques courses un peu compliquées là il a retrouvé son feeling et tout et je pense que ça l'a vraiment soulagé. Donc après bon malheureusement pour eux l'Espagne ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on en revient à un circuit avec beaucoup d'aéros. Et... On verra, justement. On verra. Et ça, c'est Alpine qui est régulière. Bon, bah, évidemment, hein, ils sont pas les. Toutes les équipes sont régulières, hein, sauf Williams, désormais, en milieu de grille. Ouais. Sauf que eux, quand ils ont vraiment l'opportunité de marquer des points, bah, ils sont là, comme Ocon. Hein. Ouais. On rappelait qu'il marque 10 points à Shanghai, ce qui est énorme pour une équipe comme ça. Top 5. Et il fait 7. Chaque fois qu'il marque des points, Ocon, hein, c'est 10 points et 6 points. Quoi. Et 4 points aussi, je crois. Ouais. Ah, oui, pareil, il fait pas des 9-10e places, ouais, c'est tout de suite proche du top 5. Tandis, voilà. Ni des 11e comme Fernando. Mais... On en parlera, mais bien plus tard, hein, d'Aston Martin. Vraiment, c'est resté parce que c'est pas tout de suite. Non, voilà, pour... Il y aura autre chose à dire en plus. En plus. Ouh, watch time. on va passer à Williams qui. Alors, Williams fait 9 et 10. C'est-à-dire, j'avais mis 6 et 9 pour les Racing Bulls. C'est-à-dire, de ma part, c'est 6 et 8 pour eux. Et 9 et 10 pour Williams. D'où l'entrée dans les points. Troisième week-end consécutif que c'est le cas. Néanmoins, je suis pas mal déçu à titre personnel par ce résultat. Parce que, en fait, la voiture avait l'air de vraiment pouvoir faire beaucoup mieux. Ils passent tout le week-end proche du top 5. Ils font pas mal de tours en médium, notamment en qualif, en espérant garder des pneus tendres pour la fin. Et finalement, Sainz se fait éliminer en Q2 et Albon rate sa Q3. Et ils partent 10 et 12 au lieu de partir très probablement ils auraient pu partir sans problème 5 et 6 ou 5 et 7 quoi. Donc malheureusement ils se retrouvent dans ce train infernal des Racing Bulls, mais ils ont très bien géré la situation puisque moi j'ai cru qu'ils allaient vraiment en pâtir et terminer en fond de peloton, et en fait ils ont fait ralentir Sainz pour qu'Albon puisse faire son arrêt devant. Et ensuite, ils ont fait une inversion de position et Albon a fait la même chose. Et Sainz a pu faire son arrêt. Ils font un double d'entrée dans les points. Alors là, avec réinversion après pour donner à Albon sa position naturelle au départ. C'est pour moi, c'est vraiment le travail d'équipe parfait, le travail stratégique parfait. Alors c'est vrai que c'est contre l'esprit de la F1 et j'aime pas d'habitude ce qui est contre l'esprit de la F1. Mais après tout, on leur a donné une possibilité d'avoir une faille. Ils l'ont exploité et c'est bien joué pour eux. Je sais pas ce que vous avez pensé de leur course. Est-ce que pour vous, ils ont vraiment trop exploité cette faille ou pas? Non. Ils ont vu que Racing Bulls l'avait fait. Ils ont été la première équipe derrière à sauter sur l'occasion. Ce qu'on attendait de Mercedes, par exemple. on en reviendra plus tard. Aussi. Voilà. Mais eux, ils ont été. Donc, James Bowles, j'ai envoyé un petit SMS à Toto en disant, désolé, hein, je vais te foirer ta course. Parce que, ceux qui peuvent jouer à ce jeu-là, c'est effectivement ceux qui étaient dans le top 10 ou très proche du top 10. Et c'était Williams, c'est suivant derrière Racing Bulls, à jouer le jeu du ralentissement antisportif. Et ça a été très bien joué, je veux dire. Au bout d'un moment, si c'est pas sanctionné, et comme ça ne l'est pas, voilà, on a parlé pour le cas Racing Bulls, pourquoi Williams s'en serait privé? Voilà, ils étaient pas contents. Les deux pilotes étaient vraiment pas contents de devoir jouer à ça. Ils étaient, voilà, d'ailleurs, ils ont bien. Hein, on est dans les points, mais alors, franchement, on n'a pas du tout apprécié la manière dont on l'a fait. Ils ont été honnêtes, hein, là-dessus, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est ce qu'il fallait faire pour rentrer dans les points à Monaco, ils l'ont fait. Hein. Il n'y a pas de petits points, il n'y a pas de petits mérites, et tout ce qui n'est pas interdit est autorisé en Formule 1. Et si pour rentrer dans les points, il faut déployer ce genre de stratégie, ils l'ont fait, et voilà. Ni plus ni moins à dire. C'est quand même la quatrième double entrée consécutive de Williams dans les points. Hein. Ah, c'est quatrième. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est vraiment... Ah non, mais c'est très solide, hein, Williams, de toute façon. Après, ça a coûté cher à Alex Albon, puisqu'il avait un dîner prévu avec George Russell, et que vu qu'il a ralenti Russell toute la course, le pilote Mercedes, il faut savoir qu'ils sont amis dans la vie, lui a fait payer l'addition. Donc ça lui a coûté un peu un petit billet le dimanche soir. Mais voilà, c'est deux points de plus pour Albon, un point de plus pour Sainz. comme ils disent, en fait, c'est un mauvais week-end pour eux. Bah, c'est tout bénef pour leur cinquième place au championnat, qui, pour moi, est quasiment déjà acquise. Même si la fin de saison est plus compliquée, elle le sera pour tout le monde. Personne dans ce peloton-là va développer sa voiture jusqu'au bout de manière ultra intensive. Ah oh non, Flavio Briatore va lui-même se mettre à la conception. Tu vas voir. Oui. Après la stratégie, il va faire la conception. Il fera le budget aussi. Le budget, enfin, voilà, c'est intéressant. Le budget, il est très fort là-dessus. Oh, ouais, c'est vrai. 50% pour moi, 50% pour l'équipe. Et surtout des sponsors. Oui. Mais effectivement, donc, je pense que pour moi, William, ça fait le plus dur maintenant. Il faut continuer à faire ça. Mais en fait, là, avec l'inertie de leur avance sur le reste des équipes, je pense qu'ils vont totalement continuer à creuser l'écart. Oui, bien sûr, Doko, on n'est pas à l'abri d'un Grand Prix chaotique. Mais d'ici là, William saura creuser encore plus l'écart. Parce que derrière eux, c'est jamais la même équipe. Un coup, c'est Racing Bulls. Un coup, c'est Haas. De temps en temps, c'est Alpine. Des fois, c'est Aston. Ah non, ça arrive moins. Mais, c'est Stroll, pas Aston. C'est Stroll, ouais. Le pilier de l'équipe. Le pilier de l'équipe, c'est Stroll. mais voilà. Et donc, pendant ce temps-là, William, c'est un peu comme McLaren devant avec les autres top teams, bah là c'est un peu Williams qui capitalise en prenant des points à tout le monde, et effectivement, et sachant qu'un Grand Prix chaotique peut aussi leur convenir, leur tourner à leur avantage à eux, donc parce que moi je reste persuadé qu'il y aura un podium de Williams avant la fin de la saison. Et, ouh, tu mets 20 balles ? Allez, allez, je suis chaud. Moi, si vous êtes ok, je mets 20 balles là-dessus. Je pense vraiment, parce qu'eux, ils en sont jamais très loin. Là, c'est alors, on va faire comme William, c'est ouvrir un fichier Excel avec tous les joueurs. Puis dans 10 ans, on changera un fichier Excel en un vrai logiciel de gestion. Parce qu'il y aurait eu trop de paris d'ici là. Pay 2.0 sur Windows 3.11. Manu, tu les imprimes les billets de 20. Non, mais je compte gagner mes paris, John Smith, c'est tout. Je vais pas les imprimer, je vais les recevoir. Non, vous en faites pas, je ne risque pas de finir à la rue quand même. C'est pour ça, sinon je parierais sur toutes les conneries que je raconte ici, mais c'est pas le cas. En tout cas, voilà, donc je trouve Williams vraiment impressionnante. Encore une fois, j'ai envie de saluer à la fois le boulot des pilotes qui sont en ce moment parfaits. Je trouve que Sainz est revenu dans ce qu'on attend de lui. Ah oui. Là, ouais. Pour le coup, et même s'il rate sa qualif, voilà, c'est Monaco, c'est quand même compliqué, et je trouve qu'il est globalement très très bon. Et puis Albon, bah, c'est toujours. Sainz, toujours un pilote l'a dit, c'est toujours adapté à toutes les équipes dans lesquelles il est allé, Toro Rosso, Renault, McLaren, enfin voilà, Ferrari. Et il s'est pas adapté dans les plus faciles en plus, c'est ça le truc impressionnant. Et ouais. Il s'est toujours adapté à ses équipiers aussi. C'est quand même un pilote, c'est ce qu'on avait dit en début de saison, mais c'est un pilote qui a jamais eu de conflit réel avec ses équipiers, alors qu'il en a eu un paquet à force des changements d'équipe. Voilà, au final ça reste quand même très très bien de sa part, et puis bah, bravo à James Vowles et à toute l'équipe, hein, globalement. Parce que c'est, alors Sobright Indicate demande, Albon appartient-il toujours à Red Bull? Pas du tout, il a été la première saison chez Williams, il était encore sous contrat à Red Bull, et fin 2022 Williams a racheté intégralement son contrat. Ah mais non, ne donnons pas des idées à Albon de Marco, s'il vous plaît. Ah non, mais il en a reparlé, je crois que c'est l'an dernier, il a reparlé d'Albon. Oui. Oui, parce que c'était en 2026, hein, c'est un peu la bonne nouvelle pour Adjar, peut-être, parce qu'en 2026, le pilotage des monoplaces changera quand même. Donc, oui, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils auront un moteur Red Bull Ford. ça, c'est nous renvoie à un autre pari de Manu, mais bon, on va pas ouvrir. Si jamais ce moteur est une flèche, je ferai un mea culpa public ici même. Ah oui, tu fais une émission spéciale, même, je pense. Oh, mais si vous voulez, je suis prêt, mais je suis convaincu que ce sera le moteur. On teste tout seul, hein, là pour le coup. Vous pouvez venir avec moi pour vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de souci, mais je l'aurais mérité, mais moi je reste convaincu que ça ne va pas du tout bien se passer. Mais, disons que tous les ragots, rumeurs et tout ce que tu dis de paddock ne vont pas dans le sens d'un très bon moteur Red Bull Ford. Non, et c'est quand même des bruits assez sérieux de paddock. Et même le moteur Audi, et là c'est Binotto lui-même qui le dit, ça ne sera clairement pas le meilleur l'année prochaine. Ce qui est bien, c'est qu'Horner l'an prochain va peut-être dire « Ah, mais le moteur Mercedes, etc. » Ah ben là, il va revenir dans une suspicion illégale. Bah, c'est ça. Puisque non, il dira le moteur Ford ne va pas dire. Pas le moteur Red Full Ford, il dirait le moteur Ford ne va pas bien. Oui, c'est ça. Il dirait, mais c'est, pas... c'est un moteur Ford. Il fera renommer le truc au bout de deux courses. Bon, non, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu. En tout cas, je pense que Williams a fait le bon choix à garder Mercedes, ça c'est sûr. Et je pense que les pilotes sont très contents de ce qu'il est. Enfin, de ce que fait Williams. Il ne faut pas oublier que l'équipe développe quand même énormément déjà pour 2026. Donc, ça promet du très positif. Sobriety Etiquette demande, Vécart aura quel moteur? Red Bull Ford. C'est les deux équipes qui auront le même moteur. C'est pour ça que, selon moi, ce sera les deux dernières équipes du classement constructeur. Mais ça, j'ai pas parlé 20 balles, je crois, dessus. Je sais plus. On va passer, bah, voilà, on va passer après Williams à Mercedes. Alors là aussi, on en parle très tard par rapport à d'habitude. Bah c'était le bordel, hein, comme on dit. Russell termine 11e, Antonelli 18e. Alors, pour faire un simple résumé de leur week-end, les essais libres, ça commençait pas très bien engagé. On voyait qu'ils étaient à peine, ça jouait à peine le top 10. En qualif, Antonelli se crash, Russell a un problème mécanique. Et en course, ils ont décidé de faire la stratégie inverse de tout le monde, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Ça a été un fiasco absolu. Et c'est juste parce que Antonelli a totalement ralenti à la fin que Russell ne termine pas 17e. Hein, clairement, s'ils n'avaient pas eu Antonelli qui avait fait ça, ça aurait été vraiment le fiasco total. Voilà, que dire sur ce week-end de Mercedes. Moi, je retiens juste le magnifique move de George Russell qui, au bout d'un moment, bat le mec. Je passe par la chicane, je m'en fous de ce que je prends. Qui a malgré, été assez peu hypocrite ouais. pour se faire ramasser. C'est ça. Et malgré son drive through, malgré son drive through, il reste devant. C'est, ouais, c'était vraiment ouais. C'était le summum de l'illustration des stratégies en autosport. Ça fait 3 points de course pour Mercedes. Hein. Ouais, c'est vraiment. Alors moi j'avais dit que Russell allait gagner Monaco, donc pour vous dire. Oui. À quel point je le voyais. On reviendra sur les. On reviendra dessus sur la fin. J'avais juste un 1 en trop quoi sur la position finale. Mais en tout cas la pénalité, le drive-through était un peu pathétique puisque il avait avoué avoir volontairement coupé la chicane, ce qui était débile déjà en plus en tant que président de GPDA. Mais ce qui est encore plus débile, c'est que le drive-through l'a laissé devant Albon. Ben en fait, c'est bien, il pointait le doigt sur le système défectueux. Moi, je trouve qu'il a mis le nez dans le caca de la FIA, quoi, tout simplement. Et je trouve que c'est pas mal parce que finalement, ça permet aussi de montrer les problèmes. Et il était d'ailleurs excédé après la course parce que justement, il a dit on n'a qu'à mettre des systèmes d'arrosage. Enfin, il était vraiment en train de dire on va faire n'importe quoi, mais parce qu'il était vraiment dégoûté d'avoir dû faire une course comme ça. On dit pourquoi la même stratégie, donc c'est sans bride de délicate pour les deux voitures, mais totalement d'accord. Quand on part comme ça, on arrête la première au premier tour. Pas bon au tour. Et moi, globalement, c'est ce qu'on en a parlé ce week-end. Je t'avais dit, pour moi, Mercedes, ils vont tenter le coup des arrêts en tout début de course. Et je comprends pas qu'ils aient pas tenté ça en partant 14 et 15. Non, bah ouais, pareil. C'est au moins avec une voiture, tu dis à Antonelli, tu le fais arrêter deux fois de suite au début de course. Et Alpine, on le voyait, enfin, moi je le voyais pourquoi Pinto, bon, finalement c'est Gasly qui l'a eu. Mais chez Mercedes, pareil, quand t'es trop mal placé comme ça, tu tentes un coup de poker directement. Non, c'était la catastrophe. Là, ils ont été attentistes. T'es paralysé en fait. Ouais, ouais. On est un top team, on s'abaisse pas à ça. Ça faisait un peu ça en fait. Mais je rappelle aussi que Mercedes a des problèmes de stratégie depuis qu'il y a certains James Vowles, c'est parti. Ouais, voilà. Ça, c'est gros. Alors oui, même si c'est pas James Vowles qui faisait toutes les stratégie. Oui. Non, mais il y a quand même, je trouve, parce que c'est depuis que lui est parti, les stratégies. Alors, il y avait déjà quelques couacs avant et il y a eu quelques bonnes stratégies après. Mais je trouve quand même qu'il y a. En fait, je pense qu'il avait un leadership qui permettait qu'il soit un peu moins passif. Mercedes n'est pas très bon sur l'opérationnel. Hein. Non. Pas... Non, globalement, c'est pas terrible. Et bon, comme ils auront un moteur avec 10 secondes d'avance, ça permettra d'être deuxième derrière McLaren, du coup, c'est bien. Voilà. Ou troisième derrière Williams. Pardon. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu décevant. C'était un week-end chaotique. Bon, après, ça arrive, hein, de rater complètement un week-end, c'est pas mais justement, grave. Sur un week-end comme ça où ils sont loin, je comprends pas pourquoi ils tentent pas des choses. Je veux dire, Toto, c'est le premier en général après les courses à dire ouais, on aurait dû faire. Mais pendant la course, lui-même semble paralysé par. Peut-être qu'il pourrait s'imposer sur ce genre de choses. Mais je sais pas, je suis un petit peu étonné par cette attitude attentiste un petit peu, alors que ouais, c'est deux voitures mal placées, tout le monde parlait d'un arrêt au premier tour, il y a quoi, 3 ou 4 voitures qui l'ont fait, je crois. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi les Mercedes ne l'ont pas fait. Au moins une des deux. C'est ça. Et en même temps, tu vois, j'ai dit Vols et tout, mais en fait non, c'est parce que je me rappelle que quand ils étaient dominants, je pense à 2019 et tout ça, dès qu'il y avait un Grand Prix où il se passait quelque chose d'un peu fou, ils étaient vite largués. Généralement, les Grands Prix fous, ils les gagnaient jamais. Oui. Parce que justement, ils étaient un peu foirés en stratégie par rapport à Red Bull qui était un peu plus sharp sur les stratégies. Et eux, dès qu'il y avait quelque chose qui a une espèce de poussière dans l'engrenage, c'était on perd nos moyens. Le problème, c'est que là, la poussière dans l'engrenage, elle arrive le samedi, puisque c'est là où ils savent qu'ils vont partir 14 et 15. Et ils n'ont pas le temps jusqu'au dimanche de prévoir ça, en fait. Et alors, ils disent à la fin, oui, on espérait faire des arrêts à la fin, mais tu fais pas ça avec les deux voitures, clairement. T'entends une en arrêt à la fin, une au d'arrêt au début, au pire. Mais Surtout quand tu as deux stratégies de ralentissement, une de Racing Bulls, une de Williams qui se déploie, quoi. Ouais, c'est ça. T'adaptes, au pire tu fais arrêter les pilotes. Ils auraient dû faire arrêter les pilotes ou voilà, mais bon. Donc ils finissent quand même à 2 et 3 tours, hein. C'est quand même assez impressionnant aussi, parce qu'il faut oublier que les écarts ont été les plus gros qu'on a vus depuis peut-être 2 ans, 3 ans, facile. Donc voilà, mais c'est très compliqué, c'était très compliqué pour Mercedes, un peu décevant, parce qu'effectivement, moi j'espérais, j'ai dit, ils vont dynamiter la course, ça va être sympa, et en fait pas du tout. Puis on peut noter le resserrement général, parce que Mercedes a 147 points, Red Bull 143, Ferrari 142. Donc on a 5 points d'écart entre la deuxième et la quatrième place du classement. Ouais, en revanche, pour ce qui est de la deuxième place, on ne va pas dire que c'est joué, mais il y a quand même 172 points d'écart entre McLaren et Mercedes. Enfin, c'est-à-dire 172 points, c'est plus que le nombre de points même que Mercedes a déjà marqué. C'est ça. Dire, le trou énorme. Ferrari va revenir, t'inquiète pas. Voilà. Enfin, voilà, on rappelle que sans la disqualification tout ça largement deuxième. Largement, ouais, voilà. Deuxième, t'es gentil. Non mais c'est vrai, bah, qu'on en revient un petit peu à ce qu'on disait en début de saison. Alors Ferrari, ils sont plus dans le dur qu'on l'imaginait, mais on voit que Red Bull avec une seule voiture et Mercedes malgré tout, Antonelli est un peu plus fébrile. C'est là où chez McLaren il y a une voiture qui est très bonne et deux pilotes qui sont tout le temps au niveau ou presque. Bah effectivement, ça fait une grosse, grosse différence. Et en fait, c'est un peu ce qu'on prédisait en début de saison. On peut se féliciter de ça. C'est que McLaren bénéficie de son duo de pilotes pour directement assommer le championnat constructeur. Et c'est un peu ce qu'on avait envisagé comme scénario quand même dès le début de saison. Dès les essais hivernaux, précisément. Non, nous, on avait envisagé, toi, t'avais souhaité. C'est différent. C'est vrai. Mais dans tous les cas, on est tous contents. au moins une prédiction correcte chez Next Gen. Et en plus, c'était la seule qui n'était pas réfléchie. Ah non, il y avait déjà la mienne la semaine dernière. Hein, le tir, c'est con. Oui, c'est moi, vrai. J'avais dans l'ordre de monter du podium. Mais du coup, tu t'es tellement chauffé que t'as parié Russell en vainqueur à Monaco. Oui. Alors, on ne peut pas être parfait tout le temps. Hein, non, mais on sait, le succès, ça galvanise. Et puis après, tu perds un peu tes moyens. Non, mais comme je mène au tiercé, il ne faut quand même pas que je crase l'écart. C'est bien, c'est le handicap de développement. Tu te mets des c'est la TR d'Alex. De temps en temps, il met un Russell. Pour non, c'est mais ça, c'était pas. Je persiste à penser que c'était pas des livres. Ah non, non, mais c'est sûr. Ils ont été même déçus, je pense, de leur niveau de. Ouais. On demande d'être leur niveau de performance. Tu as Nicolas Pinto vainqueur en Espagne. Alors bon, je veux bien que Maldonado ait des idées, mais quand même. Donc le podium que la Pinto, Bortoleto, Hülkenberg, il est un peu compliqué. Non, non, mais c'est vrai. C'était mon pari sur la F2 de l'an dernier, je pense. En tout cas, ouais, voilà. Donc, bon, après Mercedes, c'est pas grave. Hein. Pour le coup, j'imagine qu'ils sont très très bien en Espagne le week-end qui arrive parce que ils sont. Sauf s'il fait chaud. Et la chaleur, c'est vrai, j'avais oublié ce paramètre. C'est con parce que le circuit leur permet bien. On pensait qu'ils avaient réglé leurs soucis à Miami, où ils avaient été très bons sur la chaleur. Ouais. Finalement, non, à Imola. Donc, bon, on est reparti pour un tour de 10 heures. L'avantage, c'est que leur course a été tellement pourrie à Monaco qu'on n'a pas pu savoir si la chaleur leur convenait ou pas. Donc, c'est un peu Après, Monaco, ça n'a jamais vraiment convenu. Hein. Non, c'est vrai. Mais l'Espagne, c'est dommage que c'est un circuit qui correspond pas mal aux caractéristiques de la voiture souvent. Mais tant qu'il y aura Attendons. Je pense qu'on peut avoir des surprises de toute façon ce week-end. Après, oui, il fera 27 degrés. Bon, il fera chaud. Entre 27 et 30, ouais. Donc, ça veut dire au moins 50 sur la piste quand même. Hein. C'est ça. Mm-hmm. Parce que les risques de pluie pour le week-end sont très, très zéro. Faibles. Zéro. C'est zéro tous les 3 jours. C'est ça. Monaco, on devait avoir une calife sous la pluie. Hein. Ça, c'est. Oui, c'est vrai aussi. On n'était pas loin, les orages étaient encore là le matin, pas trop loin, mais se sont vite éloignés. Et puis le gros problème chez Mercedes, c'est que tout simplement, ils n'ont pas un stratège comme Flavio Briatore. Parce que finalement, on va en parler. Ouh là là là. Ah, c'est la transition vers Alpine. Puisque Colapinto termine 13e, Gasly a abandonné après un contact avec Yuki Tsunoda. Alors, que dire, à part que déjà, les performances n'étaient pas fous. Puisque ça se qualifie en fond de grille les deux, c'est-à-dire que Colapinto a été très très loin tout le week-end. Je pense qu'il a été plus loin que l'aurait été Jack Doohan. Hein. Je préfère faire ce comparatif. Un petit peu sur la réserve, j'ai l'impression de ne pas taper. Il avait vraiment pas envie de casser la voiture et ça s'est vu. Ouais. Il était toujours à. Enfin, si on prend l'échelle de la F1 et pas celle de Lance Stroll qui était dans ses chronos à lui, effectivement, il était toujours quasiment. Il était à la distance de Gasly. Que Gasly était par rapport au leader de chaque séance quasiment. C'était vraiment un écart énorme. Et je pense qu'il y a eu un véritable peur et tétanie de sa part. Même si en course ça allait un peu mieux, mais je pense qu'il a su avoir un espèce de rythme qu'il a maintenu. Bon, en course c'est facile vu que tout le monde ralentissait devant. Au bout d'un moment, ça c'est facile à suivre. Hein. C'est vrai. C'est pas faux non plus. Mais Liam Lawson disait quand même que c'est assez compliqué de rouler si peu vite et qu'il y a vite moyen de perdre. Parce qu'il dit on commence à être perturbé par ce qui se passe autour et tout ça. Mais alors, chercher le stand de glace, c'est ça, comme Kimi. C'est ça. Ou le yacht sur lequel finir. Sur lequel il allait finir. Mais évidemment, si j'ai fait cette blague, alors je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur les pilotes. On va peut-être parler de l'accrochage de Gasly avant. Bon, lui, il a dit que c'est Tsunoda qui a pas freiné au même endroit, mais il a quand même raté un petit peu son freinage. Il y a eu trois théories différentes quand même. Il y a eu Alpine qui disait que c'était un problème de frein, Gasly qui dit non, pas de problème de frein du tout. Beau démenti. Voilà, Tsunoda qui met en cause Gasly, Gasly qui met en cause Tsunoda. Personne n'est d'accord. Au final, c'est quand même Gasly qui se prend une réprimande de la part de la FIA quand même. Ouais, il y a quand même un petit décalage de Tsunoda, c'est clair pour moi. Oui. Après, je pense que Gasly était quand même un petit peu optimiste sur le freinage aussi, donc. Pour moi, c'est du 50-50 sur l'accrochage. Bon, ouais, pour moi, Gasly freine en pensant que, enfin, en automatisant le fait que Tsunoda va lui laisser la place. Ouais, le miracle, c'est que Tsunoda, je sais pas comment il peut poursuivre la course. Oui, c'est ça, ouais. Solide, hein, les suspensions. Mais, après, ça aurait pu partir, ça aurait pu finir en soleil. Moi, la catastrophe, c'est surtout les qualifs. Hein. Désolé, bah, c'est ça. Oui. Heureusement que c'est le moteur le problème. Hein. Yes. Le moteur et Jack Doohan. Ce sont les deux gros problèmes. Ouais. Les deux gros problèmes. Par contre, bravo juste pour la stratégie, mais là on va le dire, oui. De Gasly d'avoir tenté l'arrêt au premier tour. Ouais. Moi je le voyais, on l'avait prédit sur Colella Pinto. Mais je pense que Colella Pinto, ils ont imaginé qu'il n'aurait pas assez de rythme pour que ça fonctionne. Oui. En fait, donc le fait de l'avoir tenté, moi je trouve ça très bien. Donc, ouais, c'est bien tenté. Après, c'était pas. Enfin, honnêtement, en fait, c'était bien tenté. En même temps, pour moi, ça se tentait avec beaucoup plus de monde que ça. Enfin, ça me paraît bizarre, pas plus de monde les tenter. Mais voilà. Et donc, alors en qualif, je vais quand même dire, tous les pilotes sont sous la minute 12. En Q1, sauf 2, Stroll, 12, qui est à 5 dixièmes, hein, qui a 1 minute 12 et 5 dixièmes, et Colapinto, 1 minute 12 et 6 dixièmes. Ouais. C'est-à-dire, il y a un gouffre, il y a autant d'écart entre Norris et Gasly qu'entre Gasly et Colapinto. Ouais, c'est ce que c'est dit Manu. Ouais. Et le tour de Gasly en Q1 est 2 dixièmes plus lent que son tour de 2024, qui était quand même fait avec une monoplace qui était vraiment pas bonne du tout. Mais l'an dernier, ils avaient un moteur Mercedes. C'est vrai. Ouais, puis voilà, c'était. L'an dernier, c'est de la faute d'Esteban Ocon. On se rappelle, c'est lui qui avait ruiné le week-end de Monaco. Oui. Exactement. Donc voilà, comme quoi ça marche bien de virer les éléments perturbateurs. Allez, Flavio, maintenant. Vas-y. Et donc, la grande nouvelle, apparemment, d'après Tom Clarkson, donc, qui est l'intervieweur officiel de la Formule 1 et qui a un podcast F1 Nation pour la Formule 1 aussi. Qui a dit plusieurs fois dans le podcast en question que la stratégie et les choix de pneumatiques de chez Alpine avaient été décidés par Flavio Briatore lui-même. Alors, que la stratégie ou les choix soient bons ou mauvais, à la limite, je serais tenté de dire on s'en fout un peu. Parce que voilà, on sait que Briatore est un très bon stratège. On se rappelle Singapour 2008, la stratégie est parfaite. Il y a une victoire. Donc forcément, là-dessus, on peut pas dire. La seule fois, vous avez vu, il a été stratège, il a gagné. Bravo à lui. Seulement, le problème, c'est quand même l'ingérence de Flavio Briatore dans les autres, dans les départements de l'équipe. Qu'est-ce que le team principal vient foutre à décider des stratégies? Il n'est pas le team principal officiellement. Oui, il est. Oui, bah, d'après Alpine, si. Il le présente comme tel. Oui. Donc moi je pense que ça, enfin voilà, encore une fois, après c'est pour moi, si c'est vrai, si ça s'avère vrai, c'est catastrophique de la part d'Alpine, parce que ça veut dire que Briatore est en train de vampiriser l'équipe complète. J'ai plus de mots, moi, sur cette équipe. Non mais sérieusement, je n'arrive plus à la comprendre. Je sais pas comment sont les fans d'Alpine dans le. Bon, il y a Alex hein, qui est un fan d'Alpine. Il y en a dans le chat, mais je. Voilà, il est. En tout cas, il était. Voilà, ça y est, voilà. Voilà, c'est plus possible pour moi. Enfin, j'ai pas non plus des tendances. Je sais dire stop. t'es décidé. Non, mais je suis tout à fait déçu pour. Après, voilà. le pari de Mercedes, peut-être qu'il sera payé en mine de rien. Hein. Mais moi, je pense pas. Il ne faut même pas être le quatrième châssis Mercedes. Quoi. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils vont mettre le moteur Mercedes dans un châssis qui va être développé par une équipe qui a perdu 300 membres cette année. Hein. Alors, si le moteur Mercedes il dynamite tout le peloton, ce sera peut-être la quatrième force du plateau. Mais encore faudrait-il qu'il soit extrêmement supérieur aux autres. Il ne faut pas oublier qu'en 2014, c'était un changement quand même plus grand en termes de réglementation moteur. Mercedes a le meilleur moteur de très loin. Ouais, Mercedes, Williams équipe, qui est bien quand même. Hein. Mercedes équipe en profite. Williams équipe en profite. McLaren fait 4e championnat. Ouais. Mais Racing Point, enfin Force India à l'époque, est très très loin du compte. Donc, L'an prochain, en plus, on sait que c'est une année où il y aura beaucoup de. Enfin, il faudra développer énormément. Il faut développer déjà énormément. C'est une équipe où il y aura une année où il y aura un gros changement. On enlève l'effet de sol. On met un tout nouveau kit aéro. On va mettre de l'aéro actif. Donc, il faut un département aéro qui soit quand même affûté. On va avoir des châssis différents. On va réduire les voies des voitures. Donc, ça fait toutes des choses totalement différentes au niveau du grip. Et toutes les équipes recrutent. C'est-à-dire que tout le monde. On a rajouté 200 personnes. On a rajouté 300 personnes, machin. Et l'autre, il a coupé dans la masse. Qui donne pas envie, surtout. Bah c'est ça. Et puis, c'est la seule équipe qui coupe dans la masse. Et en plus, il y a un paquet d'équipes qui ont des transfuges de chez Enstone parce que soit les gens se barrent, soit les gens sont virés. Et au final, on a une équipe qui a perdu. C'est totalement débile parce que c'est une équipe, la Formule 1 est hyper rentable. Hein, on ne rajoutera jamais assez. Les budgets plafonnés, c'est hyper rentable. Donc, alors même, non seulement... voilà. Et qu'une équipe comme Sauber, hein, c'est ce que disait Binotto, ils embauchent à tour de bras. Sans compter Cadillac qui arrive aussi. Bon, alors peut-être quand ça va marcher, j'en sais rien l'an prochain, mais Alpine est 9e avec 7 points, c'est-à-dire la moitié d'Aston Martin. Il y a Pat Symonds là, comme chez Cadillac, il ne faut pas l'oublier. Et Pat Symonds, il en a des contacts à Enstone. C'est ça. Donc, Et puis il y a un moteur Ferrari dans Cadillac, donc ça ira bien aussi. Et non, mais enfin, moi, je. Et dans Alpine, ouais, je pense que ça va être. Enfin, je. Tant mieux pour eux si ça fonctionne avec le moteur Mercedes, mais ils auront quand même le même moteur que les équipes Mercedes, Williams et McLaren, qui aujourd'hui donnent une image de sérénité bien meilleure, une image de solidité technique et humaine 100 fois meilleure, et qui n'ont pas, aucune des trois, un dictateur à leur tête, et dans tous les cas, et qui en plus sont des équipes qui ont tendance soit à garder le même personnel, soit à recruter. Un dictateur démocrate, c'est comme ça qu'il s'est qualifié Flavio. Oui, oui, mais Flavio dit beaucoup de choses. Et trop de choses. Ouais, c'est ça. Il dit beaucoup de choses. Et Flavio qui reste d'ailleurs consultant aussi pour la F1, puisqu'ils le font parler dans le communiqué de la Formule 1 qui a renoué avec MSC Croisière. Et il y a Dominique Ali et Flavio Briatore qui parlent pour saluer le nouveau partenariat. Bah, c'est bien parce que là, personne ne parle de conflit d'intérêts. Voilà. Après, les croisières, faites-en ce que vous voulez. Ouais, voilà, c'est une équipe en règle de croisière. Voilà, c'est... Bah, écoute, peut-être que MSC Croisière serait peut-être meilleur sur la piste qu'Alpine. Hein, je sais pas, mettez un gros bateau. MSC Croisière F1. Mais vous mettez un gros yacht sur la piste à Monaco, je vous dire qu'il n'y a personne qui la dépasse. Hein. Ils sont tous bloqués derrière. Ou peut-être simplement que les gens de chez Alpine espèrent que Flavio va partir en croisière pendant 2 ou 3 mois. Et que ça va permettre un peu. Non, mais c'est terrible. Je crois que tout le monde en a un petit peu marre hein, de Flavio Briatore chez Alpine. Ouais, bah, sauf Luca De Meo, quoi. Et c'est le problème parce que c'est lui qui décide de la présence de Flavio. Mais je pense, enfin, je ne comprends pas et je n'imagine pas que cette équipe puisse être vivable aujourd'hui. En fait, je pense que dans l'ambiance, ça doit être affreuse en interne. Le problème, c'est que sans Flavio, à mon avis, De Meo, il vend. Et bah, ça aussi. Ouais, bah, qui vend, hein. Franchement, plus personne n'a envie d'Alpine en F1. Je veux dire, qui a envie? Je veux dire, Alpine aujourd'hui, c'est une équipe qui vend des voitures électriques. Bah, soit ils vont en Formule E, soit ils arrêtent la compétition, soit, je sais pas, ils font des événements comme ils avaient fait, PikeSpeak, machin, mais. Tout le monde s'en fout, en fait, de... Enfin, Alpine, aujourd'hui, et je pense que c'est ça le problème. Moi, le premier, vous reprenez mes propos, parce qu'on a commencé cette émission en 2021. Tu vas pas clipper ça, et juste sortir ce morceau-là, et demander à réagir sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Non, mais on a commencé cette émission en 2021, et c'était la première année du blason Alpine en Formule 1. C'était l'équipe, c'était incroyable, la livrée était magnifique. On avait Ocon et Alonso en pilote, on avait Cyril Abitbol à la tête, et on a eu une victoire cette année-là et la 4e place au championnat constructeur. Imaginez le downfall de cette équipe en 4 ans. Et imaginez l'image, le downfall d'image de l'équipe. Et moi, bah ouais, en fait, aujourd'hui, exactement, Zohan, le seul attachement qui me reste pour soutenir Alpine, c'est Gasly. Parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive des merdes. Et je suis persuadé, et là aussi, je ne mettrai pas 20 balles dessus parce qu'au bout d'un moment, on faut qu'on tire un Excel. Mais je suis persuadé. Ouais, je suis persuadé que Gasly va se faire dégager d'Alpine comme Ocon, parce qu'il ne faut pas qu'il croit qu'il est à l'abri du même sort que Ocon, et que quand Flavio vous remet des pilotes payants, et si, d'autant plus s'il touche sa petite commission, grosse commission, on aura un Gasly qui va devoir partir et qui se retrouvera sans volant s'il n'a pas prévu ses arrières. Donc moi je suis vraiment. Mais en fait, Alpine aujourd'hui 9e, c'était la position de Renault lorsqu'ils sont revenus. En 2016. C'est ça. Et il ne faut pas oublier qu'en 2016, ils avaient mis un moteur Renault qui était moins bon dans une Lotus de 2015, qui était vraiment une équipe, une monoplace quand même vraiment pas bonne. Ah non, la Lotus 2015 était moins pire que la 2014. Oui, elle n'était pas évoluée, donc c'était 2016, c'est une voiture de l'année d'avant, tu vois. Parce que l'année prochaine, racheté... ça reviendra en Benetton Playlife, on ne parlera plus de la pire. Playlife, jolie sortie, Playlife, franchement, bien joué. Non, mais ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Avec les deux Palmer, père et fils. Alors, Warriors 0, 10 ans pour rien, non, parce qu'il y a eu des super périodes. C'est ça le problème. C'est que 2016 à 2021. Et alors, on revient, qui c'est qui était à la tête? C'était Cyril Abitboul. L'équipe, 3 podiums en 2020, hein, c'est très solide. Ouais, elle passe de 9e à 4e du championnat avec 3 podiums en 2020, avec une victoire en 2021 et de nouveau des podiums en 2023, même, tu vois. Et il y a eu quand même, donc, et sans pas de podium en 2022, mais une 4e place largement acquise au championnat en 2022. Donc, il y avait du potentiel dans cette équipe et la progression. Encore une fois, de 2016 à 2021, elle est irréprochable. Le seul reproche qu'on fait, c'est qu'ils ne tiennent pas les ambitions de « oui, on va être champion, on va être champion », mais ça, c'est de la com' pure. Ils ont toujours eu moins d'argent. Ouais, c'est on ça. Il y a eu d'ailleurs du plan de 100 courses, là, en fait. Ouh, bah, il est remis à zéro à chaque course. Donc ça oui. fait... Et James Smith dit « je ne sais pas pourquoi il se fait clasher à Bitbull, il fait un super taf », évidemment, parce qu'encore une fois, le moteur est conçu avec moins de budget et moins de monde. Et c'est une équipe que Bitbull arrive à mener au podium. Trois fois moins de budget que Mercedes. Hein. Et trois fois moins de force humaine. Donc voilà. Et c'est pour ça que l'an prochain, même avec un moteur Mercedes, ça ne marchera pas. Parce que ça marchera moins bien que les autres, parce qu'ils ont quand même moins de monde et moins de budget. Mais c'est le même problème que. Enfin, c'est le problème oui, des Français. Attends, on va dire que c'est parce qu'ils ne savent pas travailler, etc. Oui, oui, évidemment. De toute façon, il ne remettra jamais en question sa stratégie financière. Mais c'est le même problème que Peugeot en WEC. Hein. On ne donne pas d'argent et après, on va dire bah, on ne va pas vous donner d'argent parce que vous ne réussissez rien. Mais ça ne marche pas comme ça, le sport auto. C'est l'inverse, normalement, qu'il faut faire. Donc. Et puis, on peut quand même souligner hein, que tu disais que. Qu'il a mis la pression Agassi, Briatore a sorti une interview dans Le Monde hein, aujourd'hui. Il a dit Pierre Gasly est très bon, il peut devenir un top driver, mais il doit être encore plus concentré car si tu démarres mal une course, tu perds 3 ou 4 positions, etc. Bon, il dit qu'il peut être champion du monde, mais bon, il dit qu'il a la vitesse tandis que Colapinto a déjà un coup de pression énorme. On l'a mis dans la voiture, il a aussi la vitesse, mais si tu as la vitesse et que tu vas dans le mur, ça ne sert à rien. Bon. C'est un management très sain. Oui, bah oui, écoute. Mais je reste persuadé que l'an prochain, le duo de pilotes sera Perez Colapinto. Mais parce que on aura des pilotes payants dans une équipe qui ne vaut pas plus que ça, en fait. C'est juste une équipe qui sert à générer de l'argent. À la fin, limite, Trump serait meilleur que Briatore, la tête de l'équipe. Bah, ce serait la même gestion, en fait. En plus raciste, il ne mettrait pas Perez parce qu'il est mexicain, lui. Donc voilà, il mettrait un pilote américain. Mais sinon, ce serait la même chose. C'est le ouais, même genre de vision. Vivement le retour de McLaren Peugeot. Oula. Moi j'aime bien McLaren Mercedes quand même. J'aime beaucoup Peugeot. Moi je valide là. J'aime beaucoup Peugeot, mais McLaren Mercedes ça me plaît pas mal au niveau du résultat. Non, c'est un super moteur Peugeot et c'est Ron Dennis qui a tout fait foirer. Voilà. Ah bah ça, on est bien d'accord avec lui. Si McLaren et Peugeot étaient restés ensemble, ça aurait été une autre histoire. Parce que vu la puissance du moteur Peugeot. Qui était étouffé par l'aéro de la McLaren, qui sortait à chaque fois des ailerons pas possibles en 94. Désolé, je remonte un peu sur mes grands chevaux parce que j'étais passionné par ça à l'époque. Je te sens chaud là. Quand on voit ce que ça sortait dans la Jordan de 95 avec des vitesses de pointe absolument hallucinantes, 96 aussi. Double podium au Canada, Jordan. C'est pas le moteur Peugeot qui était un souci. Hein. Ah, certes, au début en fiabilité, évidemment, ils arrivaient, c'était pas non plus top, mais en 95, c'était quand même très très bon. Et si McLaren et Peugeot étaient restés ensemble, autant dire que Peugeot aurait continué à mettre les moyens et que ça aurait pu aller très loin. Voilà. Ouais. Mais de toute façon, je reste persuadé que c'est un avis qui m'est souvent où je sais que c'est pas très populaire, mais je pense que Ron Dennis est un directeur d'équipe très surcoté et je serais prêt un jour à en parler plus longuement si on fait une émission historique. Mais pour moi, Ron Dennis a beaucoup plus de points négatifs dans son carrière que de points positifs. Je trouve que les points positifs de Ron Dennis c'est de 88 à 92 grosso modo. Après le reste, c'est pas fou. Tandis que Zach Brown est peut-être sous-coté parce qu'il est franchement extraordinaire. Totalement. Zach Brown, il est arrivé, tout le monde a dit ouais, mais c'est juste un publicitaire américain, il va rien faire, il va faire n'importe quoi, il va complètement pourrir l'équipe. Bah, 9 ans plus tard, ils sont champions du monde constructeur en titre et en tête des deux championnats. Donc c'est pas mal. Oui, il a obtenu des titres McLaren, évidemment, mais voilà. À quel prix, hein, parce qu'il y a des déchirements quoi, dans l'équipe. Hein. Wow. Ah ouais, c'était une gestion très, très houleuse et très dictatoriale, là aussi. Il a embauché New Way, effectivement. Bah, ça... Mais après, New Way, tous ceux qui ont réussi à l'embaucher ont gagné avec, donc c'est un peu la carte. C'est aussi pour ça, je pense, que Horner est surcoté, d'ailleurs. Mais bref, ce sera une autre émission. Voilà, Ron Dennis, que Dark Board a décrit comme Dark Vador. Ouais, mais j'aurais même peut-être tenté Palpatine, mais après, voilà. Palpatine, c'est un dictateur des mots. Oui, c'est ça, Palpatine, il est chez Alpine, pardon. On va parler de Sober, avec, bon là c'est pareil, un week-end, bah, c'est, j'ai l'impression de dire la même chose à chaque fois, mais oui, bah, oui, pas vas-y. Mauvais, mais pas suffisant. Avec okay, la 14e next. Place de Bortoleto. Hein? Next? Ouais, c'est ça. Hülkenberg fait 13e et il bat Russell. Hein. Oui, oui. Il bat les deux Mercedes. C'est vrai. Non, mais voilà, c'est effectivement, ils ne sont pas largués. Hein. Non, ils sont toujours dans le groupe. Quoi. Ils sont toujours dans ce groupe-là. Mais... Bon, bah, moi, je trouve que Bortoleto, c'est peut-être. À part Adjar, c'est le rookie qui a fait le meilleur week-end. Encore une fois, oui. Toujours discret, mais quand même, oh, bah, il fait des erreurs aussi. Hein, mais ouais, il se fait avoir par Antonelli, notamment. Mais... Ouais, voilà, relativement, oui, c'est vrai, relativement solide, mais bon, c'est voilà. Mais effectivement, ça reste insuffisant. Ouais, là, le problème ça. De cette équipe, c'est qu'elle est en milieu de grille, voire fond de grille. Tout le monde sait que ça va être Audi l'année prochaine, donc on attend tous ça en fait. Et c'est pour ça qu'il y a pas vraiment d'attente ni d'engouement autour de tout ça. Ils ont des évolutions en Barcelone, mais bon, est-ce que c'est ça sera beaucoup? Même tout le monde dit Sober maintenant, c'est Steak, plus personne ne dit ça. Ils essaient de nous sortir une nouvelle livrée d'ailleurs à Barcelone, apparemment. Ah ouais? Histoire, oui, à part histoire qu'on parle un peu d'eux, mais je veux dire. Mais une nouvelle livrée définitive pour la saison ou juste pour le Grand Prix? Non, pour le Grand Prix, apparemment. Enfin, j'ai pas trop suivi parce que je pense que tout le monde s'en fout un petit peu. Que... C'est incroyable. Non, mais c'est un teaser de je sais pas quoi. Enfin, bref. Et donc, il y avait une interview de Binotto assez intéressante où il disait qu'il y avait 350 personnes de moins chez Sauber que dans un top team. Et que l'an passé, ils avaient embauché 150 personnes et que cette année, ils vont faire pareil. Donc, ils vont revenir à quasiment l'étiage d'un top team avec le soutien d'Audi derrière. Alors, je pense que l'an prochain, ça risque d'être encore un peu compliqué, mais on a encore un plateau qui va se resserrer. Donc, ça, c'est quand même super. On parle beaucoup de Ford, mais on va voir ce que va donner Audi l'an prochain en termes de moteur. Hein. C'est pas gagné non plus. En tout cas, à long terme, c'est magnifique pour la F1 d'avoir un constructeur, une équipe Sauber qui était d'ailleurs, ouais, qui était pas en grande forme, qui va maintenant devenir un top team. Donc encore une fois, ça montre. Bah, Sauber, ouais. En plus, ils ont flirté avec tous les constructeurs allemands. Hein. Sauber Mercedes, Sauber BMW, Sauber Audi. Ils ont tous fait, hein, quand même. On va espérer quand même que ça puisse se stabiliser un petit peu, quand même. Mais ouais, en tout cas, Binotto a dit dans une interview aussi récente que le moteur Audi l'année prochaine ne sera pas parmi les meilleurs. Et c'est logique parce qu'il est, voilà, il est ingénieur moteur, il sait très bien aussi quelles sont les difficultés. Et il a déjà annoncé que le moteur Audi l'année prochaine, même s'il n'a pas tous les référentiels évidemment des concurrents, ne sera pas parmi les meilleurs. Et voilà, le but, je pense, pour lui, c'est surtout de, voilà, comme tu l'as dit très justement, Alex, de renforcer l'équipe et de remettre les bonnes bases dans tous les départements. Et le moteur progressera en temps et en heure. Je fais une confiance aveugle à Binotto pour jauger un moteur, parce qu'il ne faut pas oublier que malgré tout ce que les gens disent de lui, c'est quand même un excellent ingénieur. Et je pense qu'il a raison, et je suis content d'un côté, enfin, je pense que du coup c'est pas mal pour ce qu'on dit habituellement, parce que ça corrobore exactement ce que j'avais entendu du moteur Audi, c'est qu'ils sont pas en difficulté, mais que clairement ils sont pas non plus dans le bon groupe en termes de développement, en termes de d'avancée et d'avancement du moteur, ils sont un petit peu en retrait, et je pense que c'est vrai, à mon avis, c'est tout. C'est dur de juger encore. Non mais bien sûr, mais après, il y a aussi quand même des informations qu'on a, et que les équipes ont entre elles et tout, et qui font qu'on sait à peu près qui a pu faire des cycles de développement, qui a pu évoluer là-dedans, et ils sont pas dans le bon côté. Voilà. Ouais, il y a des runs qui sont transmis à la FIA, c'est un petit peu aussi ça qui a permis de libérer un peu le potentiel de développement pour les années suivantes, histoire de moins les figer, moins les geler que ce qui était prévu au départ, parce que effectivement il y a des constructeurs qui sont en difficulté, donc il y a effectivement des remontées d'informations sur les avancées de chacun. Après, à quel point elles sont claires pour chacune des équipes, ça on ne sait pas vraiment, mais la FIA en tout cas une vision assez réaliste, je pense, des avancées de chacun. Oui. Voilà. C'est sûr. Bon, après, bon. C'est le problème de l'année prochaine, c'est que Sauber ne sera la seule, du coup, qui a aussi son moteur, donc ce sera aussi difficile de dire quelle est la part du moteur, quelle est la part du châssis aussi dans les performances. Comme chez Aston. Ça sera un peu compliqué. Ouais, exactement. Comme chez Aston avec le moteur Honda. En tout cas, j'ai hâte de voir la livrée de Steak pour le Grand Prix d'Espagne. C'est faux. Et Alpine, hein. Attention, hein. Oui, Alpine aussi, ils ont une livrée 70 ans, ouais, effectivement. Ah oui, ah bah, il sera sûrement le logo qu'il y avait sur la présentation. D'ailleurs, oui, le logo. Alors, pour la petite histoire, on a vu une hein? 70 ans, c'est la prochaine victoire, bref. C'est le plan sur 70 ans. Non, mais en plus, pour tout vous dire des coulisses, on s'est abusé avec Franck parce que l'affiche d'Alpine pour le Grand Prix d'Espagne, on voit une ligne droite avec 5 monoplaces Alpine et on s'est dit qu'ils allaient aligner un line-up Gasly, Colapinto, Douan, Aaron et Pérez. Pérez d'abord, ouais. Non, Pérez, ouais, parce que Pérez, ça fait de l'argent pour Briatore, il en a besoin. C'est pas pour aller faire une MSC croisière. Mais pourquoi faire un line-up avec 5 F1 quoi? Mais oui, mais c'est complètement con comme affiche. C'est aberrant. Même bon, ça, c'est même c'est Briator qui a dessiné encore. C'est Briator qui a fait les affiches. D'ailleurs, il a fait aussi le logo des 70 ans. Donc, c'est sûrement lui qui a fait la livrée. Mais non, c'est assez terrible. Et on va enfin finir par Aston Martin. Alors là, c'est vrai que. c'est. Je n'ai plus de mots pour ce pauvre Fernando Alonso. Parce que. J'imagine pas l'état dans lequel il doit être dans sa tête. Je sais qu'il garde l'espoir et le moral en pensant à 2026. Mais quelle purge cette saison pour lui, quelle catastrophe. Il est irréprochable. En fait, cette année, il fait quasiment pas de conneries. Il est toujours rapide, toujours performant. Et à chaque fois, ça se passe pas bien. À chaque fois, c'est la stratégie. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même de l'espoir depuis deux courses hein, chez Aston. Oui, bien sûr. Oui. Mais c'est ça. En plus, même pour Stroll dans les Grands Prix, les évolutions fonctionnaient. Bon, Stroll, c'est un mauvais pilote. Et ça s'est vu, il a fait une deuxième, mais Alonso, irréprochable. Hein. Je pense que Stroll, au passage... Je suis quand même moins pessimiste pour Aston, parce que les dernières émissions ont quand même bien fonctionné. Là, ça semble être confirmé avec cette 4e place en qualif, bon, à confirmer encore, mais c'est moins le désespoir qu'à 3 courses, en tout cas, absolu, en termes de... Voilà, comme il reste 17 courses, voilà, c'est... Il va finir par y arriver, j'en suis sûr. Ouais. Moi, je suis pas pessimiste pour eux, parce qu'avec Max Verstappen, l'an prochain, ce sera très très bien. Mais, mais je reste persuadé que. Non, mais en fait, moi, c'est ça qui est. C'est qu'au-delà du fait qu'il y a des motifs d'espoir réels chez Aston Martin, la voiture va mieux et tout ça, mais c'est juste que du coup, ça rend encore plus ce truc frustrant pour ce pauvre Alonso, qui, même quand la voiture va mieux, n'y arrive pas. Et est toujours. Il fait son pire début de saison. Il fait un pire début de saison qu'en 2015, 2016. Oui. Donc, non, 2015, c'était. Bah, si, 2015, il marque Monaco. Donc c'est pire que 2015. Avec non, 2015 il était à Indianapolis. Non, c'est 2017 Indianapolis. Ah pardon. Ouais. Donc, non, 2015 justement il marque ses premiers points de la saison à Monaco parce que le GP2 engine n'est pas nécessaire à Monaco. Non, mais en 2015 il n'y avait pas d'espoir d'amélioration. Là, il y a l'an prochain quoi. C'est oui. Non, après Alonso il a quand même ça vrai. Alors lui il a démenti le fait que c'est de la malchance parce qu'en fait il a un peu taclé son patron qui a dit que c'est de la malchance. Il dit, non, c'est pas de la malchance, c'est juste que bon, il y a d'autres moteurs Mercedes sous la grille, ils ont tenu le Grand Prix. Mon moteur Mercedes il était mal préparé. Boum, allez hop. Ça, c'est un, tacle direct. Ne me parlait pas de malchance. C'est bien d'avoir remis un peu les points sur les i là-dessus, je pense, parce qu'effectivement, de la malchance, ça peut être un gars qui se crache devant lui, il peut pas l'éviter, ce genre de truc, mais un moteur qui casse, c'est pas de la malchance. Ah, lui, c'est pas de chance que ça lui tombe dessus, lui, en fait, mais ouais, après, c'est effectivement pas de la malchance. Mais sinon, ouais, après, effectivement, il était plutôt dans le rythme, on peut quand même saluer que. Voilà. Moi, j'ai une petite déception pour Stroll, parce que l'année dernière, on avait salué que le fait que Stroll était revenu dans un bon tempo sur Monaco, et là, cette année, de nouveau, abonné absent. J'ai pas compris. Catastrophique, ouais, effectivement, il était encore plus loin que au niveau de Colapinto, tu l'as dit tout à l'heure, Alex. J'ai pas compris, parce que l'année dernière, j'avais salué moi-même, je m'en souviens très bien dans le live, le fait que Stroll avait semblé avoir trouvé peut-être le déclic Monaco. Mais alors, cette année, il est parti de déclic. Hein. Je sais pas où il est parti, ou alors c'est Alonso qui était vraiment encore été absolument brillantissime et qui en a fait beaucoup plus que ce que la voiture peut passer. Non. Mais je pense que Stroll, il était aux abonnés absents ce week-end. Et voilà, et puis, bon, de toute façon, on le sait, hein, le projet, c'est 2026. 2025, ce n'est, puisqu'on va peut-être passer directement sur le chapitre New Way, puisqu'on a eu droit à Adrian Newey en présentiel pour la première fois sur le Grand Prix de Monaco. Mmh. Et voilà, qui a quand même un petit peu taclé les nouvelles infrastructures d'Aston Martin, notamment le simulateur qui n'est absolument pas en corrélation entre la soufflerie et les résultats en piste. Lui dit qu'il faut 2 ans, Cowell a dit c'est quelques mois, donc déjà il y a une petite divergence effectivement de point de vue entre les deux sur la résolution de ce problème. Et New Way qui ne s'autorise à penser à la voiture 2025 qu'à la pause déjeuner, ni plus ni moins. Et interdiction d'avoir des réunions sur quoi que ce soit d'autre, il a dit je n'en parle qu'à la pause déjeuner avec les collègues, sinon le focus c'est 2026 et rien d'autre. Donc voilà, c'est Focus 2026, hein, clairement, chez Aston, chez Honda aussi, puisque Honda travaille en très étroite collaboration avec Aston Martin. Verstappen chez Aston Martin, pour moi, ça reste encore une lubie de Manu. Je me demande bien si Manu serait prêt à mettre 200 balles au lieu de 20 balles. Non, non, clairement pas. Ah, voilà, donc tu vois, tu prouves bien que tu commences un peu moins à y croire aussi. Ah non, mais j'ai jamais cru plus que 20 balles, hein, mais j'y crois toujours à 20 balles. Et voilà, et oui, donc Alonso est malchanceux sur l'ensemble des 8 premières courses, donc c'est quand même un tiers de la saison de ne pas marquer des points. Mais il a encore le rythme, il est là. Faire des chronos comme les siens à Monaco ce week-end, c'est qu'il, voilà, il prouve quand même qu'il a encore la vista nécessaire pour sortir son talent quand il y en a besoin. Espérons que pour la beauté du geste, les premiers points viennent pour lui chez lui à Barcelone. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est devenu d'ailleurs ambassadeur principal du circuit de Barcelone, a donc à un an de la dernière édition du contrat. Il encore a la malchance. C'est ça. Ah oui, s'il remporte la peau au statut, ça sera énorme. Mais toujours des bons choix de carrière, hein, nous on le sait. Hein. ambassadeur d'un Grand Prix qui disparaît au bout d'un an. c'est quand même pas mal. Voilà, donc il a dit encore aujourd'hui, voilà, enfin il a dit hier, parce qu'il était présent à Barcelone, qu'il voilà, est devenu ambassadeur, il espérait que Barcelone puisse renouer avec la Formule 1, certainement en alternance, voilà, c'est un petit peu Domenicali qu'il avait lâché, en alternance avec un autre circuit, on peut penser à Spa notamment, puisque voilà, il y a la Thaïlande qui arrive, 2028 a priori, mais d'ici là, il n'y a pas d'autre Grand Prix qui est prévu, s'il y a l'Afrique, mais bon, pareil, c'est un peu repoussé. Quelques années. Grand Prix du Vietnam, non, toujours pas. Non, je rigole, mais. Il y a peu de boulot pour réhabiliter ce qui a été fait. Bah, déjà, retrouver un promoteur qui ne soit pas en tôle, ce serait pas mal, et puis ensuite, refaire le circuit. Non, voilà, donc en tout cas, pour Aston Martin, c'est vrai que, effectivement, comme dit Warriors Zero, le commentaire de New Way, tu sens quand même que la MR25 est une grosse merguez, et c'est vrai que. Ouais. C'est un peu ce qu'on avait dit la première fois quand on avait parlé il y a quelques temps. On avait dit il mettra pas ses mains dedans parce qu'il n'y a rien à en faire en fait. Je pense que c'est ça. Donc, on l'a vu l'état du circuit au Vietnam. Ouais, c'est vu, pour ouais, ça qu'on a dit qu'il va falloir un peu de boulot de réhabilitation. Ouais, c'est ça. Et oui, Spa sera en alternance. Ouais. Et c'est le mieux qui puisse lui arriver parce que sinon c'était disparition du calendrier. Malheureusement. Mais il faut bien faire des grands prix urbains de nuit. Non mais c'est étonnant pour Spa quand même, parce que vu que Zandvoort a décidé de ne pas renouveler parce qu'il craignent le départ de Verstappen, à mon avis ils l'ont créé un peu trop vite. Bon, ça c'est leur problème. Oui. Et eux ils ont pas mis 20 balles dessus, ils ont mis plus. Ah bah ils ont mis 25 millions dessus. c'est perdu, mais bon après voilà, c'est un grand prix qui a eu le mérite d'être... voilà, mais après ça n'a pas été rentré. Ça a été dans les voilà, qu'on appelle ça, ils ont égalisé les comptes, voilà, ils ont été à l'équilibre. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais c'est pas non plus un grand prix où les organisateurs se sont fait beaucoup d'argent, loin de là. Donc le risque. Doco propose Monaco en nocturne, mais sans les lumières. Hein, pour... à la frontale. Ouais, pourquoi pas. Hein. Monaco en nocturne, ouais, ce serait marrant. Ce serait tu perds l'image carte postale, mais bon, je sais pas, on peut tenter, ça change de l'équipe. Et à l'inverse, on fait Las Vegas de jour. C'est le truc trop moche. Des phares sur les F1, ouais, c'est ça. Tu mets les mêmes phares que les phares nocturnes sur les voitures de rallye, là, tu sais, les rampes de LED. C'est ça. On les met tu éblouis les mecs devant. On les met au-dessus des roues, là, sur les petits appendices. Alors voilà, en tout cas, pour ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix de Monaco. Alors évidemment. C'est la tradition désormais, puisque nous faisons nos pronos chaque semaine. On va revenir sur nos pronostics du Grand Prix de Monaco. Ouais, mais on peut passer. Allez, Alex. Alors, gloire au vainqueur de la semaine dernière. On va commencer par son pronostic pour la semaine. Ah oui, je tiens à préciser que j'avais tout bon. J'avais le. Oui, on rappelle. Le premier tiercé de la saison. Imola, tu avais fait un sans faute qui était effectivement notre premier de la saison. C'est ça. Et après ça, il s'est enfilé trois shots et il a dit n'importe quoi. Non, là, Russell, c'était pas absurde. Hein. Tu as fait Russell, Piastri, Norris. Effectivement, Russell, c'était pas absurde. Et tu as quand même deux pilotes. J'ai quand même placés. Deux pilotes sur le podium. Ouais. Tout à fait. Franck, tu avais dit Piastri, Verstappen, Leclerc. Tu as deux pilotes mal placés également. Et moi, j'avais dit Piastri, Norris, Leclerc. Donc pour la première fois, je fais pas confiance à Norris. Norris, c'est ça. Ouais. Finalement. Mais bon, je parie un doublé McLaren. Mais j'ai les trois dans le mauvais ordre. Donc ça, c'est quand même moi, cette semaine qui en était le plus près. plutôt le, comment dire, le moins risqué, on va dire. Oui, c'est vrai aussi. Et du coup, bah, évidemment. Quoique Leclerc, il fallait quand même tout ce qu'on l'ose, quand même, parce que. Ouais. Au moins nous deux, parce que. C'était osé. Avec les faiblesses de la Ferrari, quand même, je pense qu'on ne le sentait pas forcément. On m'a dit, bon, allez, l'effet Leclerc à Monaco, bah, finalement, oui, il y a eu un effet Leclerc à Monaco. C'est vrai que James Mims dit, on dirait le mastermind, je ne sais pas si vous appelez ce jeu de société, un blanc, deux noirs, là, tu sais, où tu mets. Je connais le jeu, mais je n'ai jamais joué, ouais. Ouais, mais c'est exactement ça, un peu. C'est genre, j'en ai deux bien placés et un mal placé. Ouais. Et donc, pour le Grand Prix d'Espagne, alors toi, tu as modifié Alex, je crois. Non, c'est moi qui ai modifié. C'est toi qui as modifié, pardon. Ok, donc Alex, toi, tu as parié Norris, Piastri, Leclerc. Donc, doublé McLaren et Norris devant. Moi, j'ai pronostiqué Norris, Piastri, Russell. Et Franck a pronostiqué Piastri, Norris, Verstappen. Donc, on a tous les trois un outsider différent. Ça va être intéressant. Et bon, aucun nous. Ah, j'espère que c'est pas Russell qui va gagner. Hein. Ouais, c'est vrai, chier. Ouais. Aucun de nous ne voit McLaren effectivement perdre trop pied par rapport à cette nouvelle réglementation. La nouvelle réglementation des ailerons. Ouais, ils affichent trop de sérénité par rapport à ça. Et en fait, je pense que s'ils étaient pas sereins, ils ne diraient pas genre on est. Ah, s'ils dominent encore plus, c'est ce qui est possible aussi. Ouais. Quel coup de bambou sur la concurrence. Hein. Ah bah, Verstappen s'en irait chez Aston Martin. Et là, du coup. Et bah là, ouais, ce serait coup double pour Manu, là. Ah bah là, je serais ravi. Non seulement mon équipe gagne, et en plus, ce serait incroyable. Je gagne de l'argent et tout, c'est trop bien. Non, mais sérieusement, effectivement, et c'est pas un scénario impossible. Dans tous les cas, s'il y a des modifications, c'est vrai que le problème, c'est que, en fait, Christian Horner a été très vocal parce que lui, sa théorie, c'était d'espérer faire rentrer dans l'inconscient collectif que McLaren triche. Et on le voit, il le fait par tous les moyens possibles. Un coup c'est de l'eau dans les pneus, un coup c'est le refroidissement, un coup c'est les ailerons avant, ailerons arrière, le DRS, machin, enfin tout y est passé. La seule chose sur laquelle il n'y a pas parlé, c'est les contrôles antidopage des pilotes, mais je pense que s'il pouvait, il le ferait aussi. Et sauf que il compte là-dessus pour essayer de dire en gros, mais nous on a mieux à faire et si voilà. On va faire mieux plus tard, mais effectivement, McLaren est quand même très très sereine par rapport à tout ça, que ce soit Brown ou Stella, ça bouge pas. Et d'ailleurs, Toto Wolff a dit que pour lui, McLaren ne s'inquiète de rien et n'a pas de voiture qui serait proche de l'illégalité. Rien d'illégal. Ouais. Un millimètre illégal même. C'est ça. Et je pense que pour moi, ça va être des essais libres, même des essais libres des qualifs super intéressantes. Ouais. À suivre. Alors, peut-être que ça va pas changer grand chose. Peut-être aussi. On verra. Mais les écarts sont tellement serrés qu'une modif de règlement qui est clairement importante, bah ouais. Ah oui, sur un tour, ça peut être pas mal. Hein. Après, c'est surtout sur la course qu'il va falloir voir. Et moi, je pense quand même que le moment où McLaren a amené son gros package d'évolution et que ça n'a pas donné tant de modifications de ça en termes d'avance, c'est qu'à mon avis, ma théorie, c'est qu'ils ont amené à dernier package d'évolution un aileron qui était déjà conforme à ce qui doit être fait pour l'Espagne. Et qu'à mon avis, ça ne va rien changer pour eux. Parce que, encore une fois, il y a des équipes, et notamment Williams, qui sont déjà en conformité quasiment depuis le début de saison. Et voilà, et je pense que McLaren ne va pas attendre le dernier moment pour se mettre en conformité avec un règlement qui est connu depuis l'an dernier. Donc pour moi, ça change. Et puis, ils ont quand même 170 points d'avance, c'est-à-dire qu'il faudrait que la deuxième équipe leur prenne 10 points par course. Hein. Sans se prendre des points les uns les autres. Donc, alors évidemment, la saison est très très longue, mais mine de rien, 170 points, c'est un matelas double épaisseur. Hein. C'est ça. Oui, vas-y, Franck. Non, de toute façon, on le saura très vite vendredi avec la liste des nouveautés techniques sur les monoplaces. Qui aura amené... Mais je pense que toutes les équipes, enfin, McLaren sont confiants parce qu'ils savent peut-être comment rectifier le tir. Oui. Je pense qu'ils ne sont pas illégaux dans l'illégalité sur le règlement actuel. C'est ça, en fait, qui veut dire. Mais si effectivement la déflexion est quand même beaucoup beaucoup beaucoup plus maîtrisée à partir de Barcelone et qu'ils ont déjà la solution sans perdre trop de performance, oui, ils n'ont pas de raison de craindre plus que ça. Mais si des équipes comme Ferrari n'ont pas trop misé sur ces ailerons flexibles et a très peu de modifications à faire pour être dans le conflit, il peut effectivement y avoir quand même un petit chamboulement sur un tour rapide. Je le vois quand même moins sur un rythme de course. Ouais, moi aussi. Et après, bon, c'est vrai qu'on sait que les qualifs sont importants, donc même un chamboulement sur le tour rapide, ça peut jouer quelque chose. Oui. Mais je reste quand même confiant pour McLaren. J'ai tendance à penser que ça va pas changer l'issue de la saison. Et je pense qu'encore une fois, Horner, de la même manière qu'il a essayé de faire le faux lanceur d'alerte sur l'illégalité de la McLaren, essaye de tout miser parce qu'il a besoin, de publicité positive. Et dans tous les cas, ça fait un buzz et ça crée quand même un narratif autour, même si derrière, c'est pas vrai. Hein, c'est un peu la post-vérité. Il risque de perdre Verstappen hein, s'il a trop menti à Max, hein, parce que Dios lui dit donc. Mais en fait, c'est un peu le principe de la post-vérité, c'est-à-dire que tu dis un truc, tu dis mais si ça va être comme ça, et puis si c'est pas comme ça, tu ne le commentes pas ou tu passes à autre chose, ou tu dis bah non, mais on comprend pas parce que c'est pas ce qu'on avait prévu, et puis voilà, et en fait, c'est. Et après, il redira derrière que la McLaren est illégale, et puis voilà, et comme ça, il aura son narratif à lui qui fonctionne et qui se tient à peu près debout tout seul dans son coin, mais. Moi, je reste convaincu, encore une fois, pour moi, Horner, c'est un bullshitter professionnel. C'est un mec, il est capable de dire n'importe quoi pour sauver son cul et sauver son équipe, hein, ou même juste son cul. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui. Manu, on est toujours en ligne. On est toujours en live, là. Hein. Non, mais après, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Mais je suis persuadé que pour moi, Horner, c'est. Aujourd'hui, il joue ce jeu-là uniquement. Parce qu'il sait que ta voiture est moins bonne. Il n'est pas capable d'accepter que son équipe a fait un moins bon travail ou tout simplement a une moins bonne évolution dans le temps que McLaren et ce que tous les autres directeurs d'équipe sont capables d'admettre à un moment ou à un autre, et c'est un peu dommage. Même Marco le dit. Il faut pas oublier que quand Red Bull arrête de gagner en 2014, il balance la sauce sur Renault pendant 3 ans et que voilà, et jusqu'à ce qu'il y ait une rupture avec Renault, quoi. Donc pendant 3 ans, il a jeté Renault sous le bus, y compris quand en 2015 ils font pas une victoire et qu'ils terminent 9 et 10 au classement des pilotes. Donc voilà, pour moi c'est exactement la même méthode depuis 20 ans chez Red Bull, et ça change rien, et je pense que pour moi c'est pas bien différent. Et après, ils avaient un moteur Red Bull Ford en Espagne 2016, du coup. Ah non, mais c'est ça, hein. Non, mais ils avaient le moteur. Mais quand ils gagnaient, c'était jamais grâce à Renault, c'était parce que Verstappen. C'était moteur Tag Heuer ou Infiniti. Ouais, c'était Tag Heuer à l'époque. Mais parce que c'était très bon. Voilà, on a fait un très bon week-end, machin. Mais c'était jamais. Renault était très rarement félicité à cette époque-là, en plus. Oui, on va jamais même. Ou jamais. Donc voilà. En tout cas, c'est mon petit pari. Après, on verra bien le week-end prochain. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de choses à se dire la semaine prochaine dans Grand Prix, puisque nous revenons pour une 3e émission consécutive. Ce sera la 9e de l'année. On reviendra lundi. On reprend notre case habituelle, évidemment, lundi 20h30. Rumeurs sur tentative de recrutement par Ferrari. Yann, on a parlé en tout début, on ne va pas revenir dessus, mais je te conseille de regarder le replay qui sera en ligne dans très peu de temps, puisque dès qu'on le met, généralement un quart d'heure après, c'est en ligne sur YouTube. Un quart d'heure, 20 minutes, ouais, sur YouTube. Et sur Twitch pendant quelques jours aussi, donc n'hésite pas à revoir. C'est sur le chapitre. On a parlé sur le chapitre Red Bull, justement, à la fin du chapitre Red Bull. Merci tout le monde. Oui, fin du chapitre Ferrari, pardon. Oui, tout à fait. On vous remercie toutes et tous d'avoir suivi Grand Prix ce soir. On se voit évidemment ce week-end. On se voit évidemment ce week-end par écrit sur Next Gen Auto, puisqu'on compte sur vous pour nous suivre dès demain avec la journée média du Grand Prix. Comme d'habitude, ça commence en début d'après-midi. Vous avez les news classiques le matin, le point météo demain matin, comme tous les jeudis matin. Et puis les essais. Alors, c'est exactement les mêmes horaires que à Monaco. C'est 13h30 essai libre 1 vendredi, 17h essai libre 2. 12h30 essai libre 3 samedi, les qualifs à 16h et le Grand Prix à 15h. Tout sera à suivre évidemment en direct. Vous vous rappelez maintenant qu'on fait ça même le vendredi, on suit les séances en direct ensemble. Ça vous permet, si vous n'êtes pas devant l'écran, de pouvoir suivre quand même. Et on est très content parce que vous êtes très nombreux à le faire. Donc ça fait plaisir. Super, franchement très content. Ça fait grand grand plaisir. Et puis voilà, merci à toutes et tous de nous suivre encore une fois, de nous soutenir. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne le voient pas, il y a un espace commentaire maintenant sous les articles, d'accord, qui le découvrent. En fait, on a quand même mis un espace commentaire qui se charge uniquement quand vous descendez au bas de l'article. Vous ne voyez pas forcément tout de suite, c'est pour alléger un peu la page. Mais voilà, il y en a certains qui ne l'ont pas encore vu, donc l'espace commentaire sous les articles qui, heureusement, pour l'instant, ça fait un mois et demi qu'on l'a relancé, et reste quand même à 99% très courtois et poli, avec des bons débats, donc on est très heureux de ça, donc on vous invite à rejoindre l'espace commentaire sur Discus, voilà. Donc c'est sous chaque article, là, vous pouvez le faire. D'autant que les rares gens qui ne sont pas courtois et tout ça, on les dégage. Donc comme ça, voilà. On cherche plus à comprendre. Non, c'est comme ça que ça marche maintenant. Ou alors un commentaire dans lequel on dit que McLaren ne va pas faire un doublé. C'est ça, oui. Il y a des critères, mais il y a un règlement complet sur ce qu'il faut dire et pas dire. Non, mais voilà, on gère l'espace commentaire comme Briator gère Alpine, c'est de la dictature démocratique. Au bout d'un moment, il n'y a pas le choix non plus. Hein. C'est un vieux Briator qui gère les commentaires. Ah oui, d'ailleurs. entre deux stratégies. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'espace commentaire sous les news alpines. Il n'y a pas le temps. Il est déjà occupé avec une autre. Non, plus sérieusement, évidemment, on est très strict parce que ça engage aussi notre responsabilité par rapport aux insultes et tout ça. Donc c'est évidemment le cas, mais ça permet aussi d'avoir un espace qui reste sain pour les gens qui sont constructifs et bienveillants. Voilà. Merci à toutes et tous. Merci Franck, merci Alex. Et puis on se revoit merci à tout le monde dans 5 jours pour la prochaine émission. Ciao. Bye bye. Ciao.